La radio Carcaille dans la casse, c'est Radio Croco. On était en train de me dire qu'il y aura des décrochages au sein de la soirée avec Radio Debout, à la Maison du Peuple occupé. Donc voilà, on était en train de me prévenir de ça, donc sachez-le, chers auditeurs, pendant la soirée, il y aura plusieurs décrochages avec la Maison du Peuple occupé, fait par Radio Debout, qui seront bien sûr annoncés, oui. Et voilà. Et ouais. Voilà. Moi, c'est Karim, Radio Debout. En fait, on va faire un flux commun, Radio Debout, Radio Croco. Donc, que vous soyez sur Radio Debout ou sur Radio Croco, ce soir, vous entendrez la même antenne. Voilà, c'est quelque chose de super simple. Du coup, on est aussi entendu par Radio Debout, c'est la gloire. Et on est aussi en FM sur Radio Arras, donc voilà. Donc en fait, tout se lit. Ok, super. Eh bien, bonjour à nos amis arrassois. Hein. Donc je vais reprendre avec les situationnistes. Attends, je termine juste une... J'avais une bonne transition avec terrorisme. Mais non, continue. Bon voilà, enfin voilà, la chanson donc qu'on passait est évidemment très ironique, etc. On parle d'ultra hyper total gauche comme quelque chose de voilà d'excessif, de débridé, de très violent, etc. Donc faut quand même se souvenir qu'à l'époque ça désignait des sabotages de caténaires, donc en fait la coupure de l'alimentation électrique des voies ferrées, ouais. Qui a quand même été qualifiée à l'époque de terrorisme. Qui était en fait juste l'impossibilité pour les TGV qui transportaient des... En fait, je crois que cette action a eu l'impact maximum qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire deux heures de retard pour le train. D'autre part, le dossier était totalement vide, donc ils n'ont jamais rien... Enfin, il y a même des choses contradictoires, notamment les relevés de la voiture de police donnés par les policiers pour qu'il soit vrai, il fallait que la voiture puisse se téléporter, puisque sinon il lui fallait faire une moyenne de 300 km/h sur des petites routes de campagne, vous voyez. Donc, c'était totalement impossible, enfin c'était vraiment du grand n'importe quoi. Alors je crois avoir entendu vaguement que mon camarade Guy Edern vous l'a précisé, Julien Coupa, moi je me souviens aussi de Benjamin Rossou, qui est un des inculpés de Tarnac, qui l'avait dit dans une interview, ne se rattachait pas à l'ultra-gauche, qui est l'autre nom plus péjoratif donné aux gauches communistes. Mais c'est ce que j'expliquais justement, ouais, que c'était pas du tout la même chose. Et eux-mêmes disaient que c'était une tradition qu'ils respectaient, certes, mais qu'ils étaient plutôt dans une veine, disons, ticounienne, qui ne relevait pas de la même tradition, même si qui est beaucoup moins marxiste, quand même. Beaucoup moins marxiste, oui, beaucoup moins marxiste. Même si, effectivement, il y avait des allusions d'anticoun à Debord, mais alors, pas du tout uniquement positives, d'ailleurs. Voilà, ce sont deux traditions politiques bien distinctes. Mais il faut voir qu'avant l'affaire des caténaires de Tarnac, la droite française, en particulier, reprise par les journalistes, avait recommencé à exhumer le terme ultra-gauche pour qualifier les trotskistes du NPA, qui était à l'époque encore la LCR, d'ailleurs, je crois. La Ligue communiste révolutionnaire. Voilà, la Ligue communiste révolutionnaire. Les trotskistes du NPA qui étaient en voie de comment dire de dérévolutionnarisation, le discours du NPA était très réformiste radical. Donc c'est très drôle de voir qu'au moment où le NPA fait son petit pas vers la droite en versant dans réformisme radical, on exhume un mot qui servait à désigner des gens qui justement étaient une opposition au bolchevisme par la gauche, pour reprendre cette échelle là d'ailleurs demanderait à discuter, pour les désigner, quoi. Enfin, c'est un grand moment de n'importe quoi. L'usage du terme ultra-gauche dans l'époque contemporaine est voilà, une source éternelle de rire et un peu de grincement de dents quand même pour quelqu'un qui connaît un petit peu la tradition des gauches communistes. Ben c'est ça, c'est que ça montre qu'il y a un glissement permanent des références théoriques et politiques vers la droite. Enfin, on l'a vu en parlant du syndicalisme, dont les fondements sont explicitement révolutionnaires, alors qu'on voit aujourd'hui qu'on peine à mobiliser. C'est pas une règle absolue non plus. Hein. C'est pas une règle absolue, mais disons que dans le champ mainstream du débat public, on qualifie rapidement quelqu'un de radical, alors qu'il a des positions en vérité réformistes. Mmh. Et alors, si je peux me permettre, donc parce que permets-toi. Juste avant. Donc on parlait de l'affaire de Tarnac, voilà, qui était qualifiée, qui est toujours qualifiée. Hein. Moi, dernière nouvelle, Coupa était toujours poursuivi. On parle toujours de terrorisme, etc. Bien coupable. Et en fait, bon, alors c'est un truc qu'on a un peu critiqué la semaine dernière, le fait de se référer de manière un petit peu narcissique à l'action violente. Mais à l'action violente qu'on ne condamne absolument pas, hein. Qu'on cautionne même. Qu'on cautionne. Les casseurs parlent aux casseurs. Ouais, tout à fait. Mais je suis pour qu'on revendique le terme de casseur d'ailleurs, pourquoi pas, hein. Casse sociale contre casse de vitrine, franchement. Mais alors quand même, juste pour resituer, parce que tout à l'heure on a parlé de l'amitié tumultueuse entre Marx et Bakounine, donc dans le même texte. Que je lisais, qui était un texte de Bertrand Russell, il y a ce petit passage qui a médité, je pense, qui m'a gardé en tête, parce que on associe constamment l'âge d'or de l'anarchisme exclusivement aux actions violentes et aux bombes, et bon, même à l'antenne de Radio Croco, on a passé plusieurs fois des chansons à la gloire de Ravachol, etc. Alors, donc, cet extrait, donc de Bertrand Russell. L'anarchiste, aux yeux de l'homme de la rue, est un personnage qui jette des bombes et commet toutes sortes de crimes, soit parce qu'il est plus ou moins fou, soit parce qu'il dissimule sous le couvert d'opinions politiques extrêmes ses tendances criminelles. Il est évident que cette image est à tout point de vue insuffisante. Bon, Russell écrit ça en 1921. Il y a des anarchistes qui croient à la vertu des bombes, mais nombreux sont ceux qui n'y croient point. On peut trouver des hommes de toutes nuances d'opinion qui sont pour la projection de bombes si l'occasion est appropriée. Par exemple, les hommes qui lancèrent la bombe à Sarajevo, origine de la guerre actuelle. Hein, donc, non, pardon, je me rectifie, le texte a été écrit avant la fin de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, origine de la guerre actuelle, n'étaient pas des anarchistes mais des nationalistes. Ces anarchistes partisans des machines infernales ne sont pas différents en ce domaine du reste de leurs concitoyens. Exception faite de cette infime minorité qui adopte l'attitude tolstoïenne de la non-violence. Les anarchistes, tout comme les socialistes, admettent en général la théorie de la lutte des classes. Et s'ils se servent de bombes, c'est dans le même esprit que le gouvernement qui utilise les siennes à des fins guerrières. Mais pour chaque bombe fabriquée par un anarchiste, les gouvernements en fabriquent des millions. Et pour chaque homme tué par la violence anarchiste, des millions sont tués par la violence des États. Nous pouvons donc écarter de notre réflexion cette question de la violence qui prend une si grande importance dans l'imagination populaire, puisqu'elle n'est ni essentielle ni particulière à ceux qui font profession d'anarchisme. Bon, j'ajouterai quand même que pour moi, ce texte pourrait aussi se lire, même si ce n'est pas l'intention de Russell, hein, mais moi, tel que je le lis, c'est aussi une critique de l'anarchisme. Parce que voilà, si on combat l'État sur son propre terrain, effectivement, bah, une bombe révolutionnaire, mille bombes étatiques, on perd. C'est pas ce terrain qui est celui de la révolution pour moi. C'est un terrain qui est largement insuffisant dans le meilleur des cas. Non, dans le meilleur des cas, il est largement insuffisant. Mmh. De toute façon, les bombes, dans la mesure où la bombe fait pas vraiment attention à ce qu'elle tue, je trouve ça débile. C'est n'importe qui m'a fréquenté plus de d'une semaine m'a déjà entendu râler sur parce que j'adore râler, voilà, c'est comme ça, m'a déjà entendu râler. Oui, la technique Maxence fait les marionnettes pour dire oui, m'a déjà entendu râler, notamment m'a entendu râler sur la RAF et son slogan débile, tu fais partie du problème ou de la solution, c'est complètement con comme slogan. Mais bon, voilà, c'était une petite aparté. Est-ce que tu veux continuer sur Russell ou est-ce qu'on reprend avec l'IS? On va revenir à l'IS tranquillement. Voilà, on était presque revenu à la fin de toute façon. Donc comme je disais, l'IS avait toujours dit que dans une période révolutionnaire, il se dissoudrait et il participerait au mouvement comme individu. Et comme beaucoup de gens à cette époque, l'IS, ses membres, pensaient que la révolution était en train de se préparer à partir de 68. Et c'est vrai, quand on voit à quoi ressemble la carte du monde en 68 à l'époque, explosion aux États-Unis, mais au Mexique, au Japon, le monde s'enflamme un peu. C'est pas uniquement la France, encore une fois. On veut transformer 68 en mouvement d'étudiants français, alors qu'en France, les usines étaient occupées et que c'était la plus grande grève générale. Mais du fait des ouvriers, pas du fait des étudiants qui auraient décrété que les ouvriers devaient se mettre en grève. Faut pas prendre les ouvriers pour des enfants, quoi. Il y a Mao pour faire ça, quoi. refait la technique. Bah oui, mais je vais continuer à dire du mal du maoïsme, parce que bon, faut bien dire ce qui est, le maoïsme c'est de la merde. Et donc, bah mais des camarades m'enverraient au goulag si je les ai pas fusillés avant, Maxence. Bon. Pas de contre-révolutionnaires dans la révolution. Des gens qui sont plus staliniens que les staliniens, franchement, qu'est-ce que tu veux que je foute avec, quoi. Bref. Tiens, sur un plan personnel, on peut toujours se marrer, mais dans une révolution, évidemment qu'on ne se retrouve pas du même côté de la barricade. Mais après m'être fait interrompre par la technique assez grossièrement, il faut bien le dire. C'est une boutade, Maxence. Après m'être fait interrompre par la technique et par ma propre tendance à m'interrompre moi-même dès que je me fais vanner, je reprends sur l'IS. Donc l'IS va choisir la dissolution. Il va avoir une politique joyeuse d'exclusion sur la fin, dont le dernier texte de l'IS, qui s'appelle « La véritable scission dans l'international situationniste », qui est une allusion au texte de scission de la première internationale d'AIT. Une politique assez joyeuse d'exclusion, où ils vont voilà, s'exclure joyeusement, dans la joie et dans la bonne humeur, sans spécialement se renier d'ailleurs, hein, notamment l'exclusion de Sébastiani, un des derniers membres de l'IS, Debord et Sanguinetti, qui sont les deux derniers membres de l'IS qui ont écrit le texte de dissolution, disaient « Oui, non mais c'est pas un problème personnel, on continuera à le suivre avec attention, c'est hyper, c'est, on l'aime beaucoup, on aime beaucoup ce qu'il fait. Bon, il a fait un truc qu'il aurait pas dû, voilà, c'était pas bien, donc on l'a exclu. » En fait, sous-jacent derrière ça, il y a l'idée d'en finir avec l'IS et de passer à autre chose, parce qu'encore une fois, ils étaient persuadés que la révolution aurait lieu, et elle n'a pas eu lieu. Mais les situationnistes, et c'est là où il y a une transition effectivement à faire sur la question du terrorisme, les situationnistes vont continuer séparément, du coup, leur œuvre. Bon, Viennet va continuer à tracer son sillon de sinologue anti-maoïste. C'est d'ailleurs au passage Viennet qui avait fait découvrir Simon Leys, lecture extrêmement saine, hein, pour quiconque veut comprendre en quoi le maoïsme est une lamentable arnaque. Les habits neufs du président Mao de Simon Leys. Sanguinetti va écrire notamment de très bons livres après la dissolution de l'IS, dont un livre qui parle de terrorisme, qui s'appelle « Du terrorisme et de l'État ». Et « Du terrorisme et de l'État ». Tu marches sur mon film ? Du terrorisme et de l'État, qui est une critique de la stratégie terroriste d'un certain nombre de jeunes agités qui se disaient révolutionnaires à l'époque. Mais au-delà de ça, c'est une critique de ce que Sanguinetti et Debord, d'ailleurs, puisqu'ils continuent à correspondre à cette époque-là, pressentaient comme manipulation policière derrière le terrorisme, en particulier le terrorisme italien. Et c'est une analyse de l'affaire Moreau, en fait, Aldo Moreau qui était le merde, l'équivalent du Premier ministre en Italie, c'est un socialiste italien, président du Conseil, c'est ça? Je sais plus. Ouais, c'est Battisti, ça? Non, c'est... Donc qui c'est qui a été mis en examen sur l'affaire Aldo Moro? Sur l'affaire Aldo Moro, il y en a eu plusieurs. C'est les Brigades Rouges, en fait, hein, qui ont perpétré le dit enlèvement. Oui, si tu veux rechercher, ça me va. Donc les Brigades Rouges, qui sont plus ou moins issues du maoïsme italien, dont tous les chefs politiques sont en taule à ce moment-là. Et Sanguinetti va montrer à travers son livre comment, en fait, la seule façon de comprendre l'enlèvement d'Aldo Moro pour que ça ait un sens, c'est que ça a été perpétré par un service secret italien, parce que sinon ça n'a pas de sens. D'un point de vue révolutionnaire, c'est au-delà de se tirer une balle dans le pied, c'est un non-sens complet. Et donc les situationnistes étaient déjà assez... Président du Conseil. Hein, président du Conseil, c'est ouais. Ça. C'est bien ce que je pensais. C'est ce que j'avais dit. Je suis content d'avoir raison. Ça me fait toujours plaisir. Merci, merci professeur Violet. Ça m'est arrivé une fois dans le chat d'avoir tort. Je l'ai reconnu sans peine. Et au moins, ça aura le mérite de nous faire entendre cette merveilleuse altercation. Bon, bref. Le chat est tout à fait d'accord avec moi. Il est en train de dire oui depuis tout à l'heure. Il dit oui, Violet, tu as raison. Oui, oui, Violet, tu as raison. Je l'entends bien. Je parle le chatophile. Je parle le chatouin couramment. Bon, faut que la technique arrête de me disperser. En plus, je suis en train de parler au micro en lui répondant, alors que les gens n'ont même pas entendu ce qu'il a dit. Les situationnistes étaient déjà rompus à cet art, parce qu'il y avait, une section italienne assez importante de l'internationale situationniste, auquel on doit les dernières grandes productions de l'internationale situationniste, le premier et unique numéro de l'IS section italienne, et qui est paru à l'époque du fameux attentat de la Piazza Fontana en 1929 à la banque de l'agriculture italienne de Turin, pardon. Miaou, dit le chat. Mais tu as raison, le chat, tu as tout à fait raison. Violet est le meilleur, tout à fait, je suis d'accord. Bref, je reprends. Attentat qui a été commis, ce que les situationnistes ignoraient à l'époque, mais ce qui a été confirmé après, qui a été commis par un service secret italien qui s'appelait le SID, un des nombreux services secrets italiens. Alors j'avais étudié ce cas d'ailleurs. Il n'y a pas Zolini qui a fait un film là-dessus, sur l'attentat de la Piazza Fontana. Ouais. À l'époque, il était proche de l'OTA Continua. J'ai vu il y a longtemps, j'aurais du mal L'OTA Continua qui a été inquiété à l'époque, en fait. Bon, alors, ça a été assez. Ça, les conséquences ont été tragiques. Bon, déjà, il y a eu voilà, beaucoup de morts pendant l'attentat. Les situationnistes avaient publié un tract placard qui s'appelait le Reichstag brûle-t-il, en allusion à l'incendie du Reichstag, le Reichstag Borussia, dans lequel ils accusaient l'État en fait d'avoir perpétré lui-même cet attentat, en faisant par exemple remarquer qu'il y avait plusieurs bombes, qu'il y avait notamment une bombe à la bourse commerciale de Turin, sans mèche, et que la bourse de l'agriculture, qui est une bourse populaire, prolétarienne, avait une mèche par contre et elle sautait. Donc, dans le Reichstag brutil, l'institut disait, voilà, aux bourgeois la peur, aux prolétaires les bombes. Et effectivement, ils avaient raison, c'était bel et bien un service secret qui a été dissous pour cette raison officiellement, pour l'avoir étudié, il y avait même des entrefilets en 30e page du Monde, autour de 72 et 73, racontant la dissolution du SID au nom du fait qu'ils avaient poser cette bombe, l'État lui-même le reconnaissait. Sauf que, en fait, la police a privilégié uniquement deux pistes. La piste fasciste, ça c'est pour servir comme écran de fumée aux gauchistes, et la piste anarchiste, pour servir comme écran de fumée à la droite. Et ça a très bien marché, parce que finalement, la société a montré les anarchistes ont dit c'est pas nous, c'est les fascistes, et les vrais coupables n'ont pas été inquiétés. Voilà. Le SID a fini par être dissous. Voilà, 3 ou 4 ans après les faits. Alors que un anarchiste était encore en taule, il est resté jusqu'en 78, je crois, Valpreda, pour avoir posé cette bombe. Il était accusé d'avoir posé cette bombe, il a été condamné pour ça. L'État italien, visualisez bien la chose, l'État italien reconnaît que c'est lui, mais l'anarchiste accusé est condamné, Valpreda reste en taule. Entre-temps, pendant sa garde à vue, un autre anarchiste, Spinelli, a fait un magnifique vol plané qualifié de suicide par la fenêtre du commissariat et est mort. Donc ça a été tragique sur place et dans sa suite. Et oui, puis est-ce que la suite, le commissaire qui était considéré comme responsable de l'assassinat de cet anarchiste, qui était, je me souviens, il s'appelait le commissaire Calabresi, Calabresi, tout et à c'est fait. lui qui a été par la suite assassiné. Et là, Ouais. cette fois-ci, la faute a été portée sur le dos de Jean de Lota Continua, mais alors Ouais. j'oublie le nom, qui était l'ami de Carlo Gainsbourg, là. Enfin, on en Ouais, tout à parlait fait, en oui. antenne, mais. Ce que je disais, l'OTA Continua qui a eu droit à 13 procès, je crois, pour cette affaire. Enfin, ça a été un vrai acharnement judiciaire, à ceci près que l'OTA Continua a continué à tomber dans le piège voilà, de la piste fasciste. Voilà, sans jamais dénoncer l'État, en fait. On n'a retrouvé aucune trace chez l'OTA Continua dénonciation des vrais auteurs de cet attentat et des suites, du coup responsables de toutes les suites, quoi, en fait, du terrorisme. Et donc Sanguinetti, du terrorisme et de l'État, va parler de l'enlèvement d'Aldo Moro et va montrer assez brillamment que, encore une fois, il ne peut s'agir que d'une manipulation policière. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui ont perpétré l'enlèvement d'Aldo Moro, qui sont connus, dont on sait que ce n'est pas le cas, étaient eux-mêmes des policiers. Mais dans une structure très pyramidale, comme étaient les Brigades Rouges, il était très simple, à partir du moment où la tête politique avait été mise en taule, bah, tout le monde monte d'un cran. Il est très simple du coup pour la police de se retrouver avec des gens dans une position décisionnaire. Et donc, l'idée étant, d'une part, de faire peur au pays pour les écarter du gauchisme, d'autre part, de faire que le PC italien se mouille en se désolidarisant et se discrédite, en fait, d'un point de vue révolutionnaire. Et finissent par accepter, parce que la grande peur des gens qui ont d'après Sanguinetti, planifié l'enlèvement d'Aldo Moro, c'était que les bolcheviks staliniens du PC italien arrivent au pouvoir dans un gouvernement d'alliance avec les socialistes. Ça, ils n'en voulaient pas. C'était vraiment l'aile droite des services secrets italiens qui a été responsable de ça. Et donc, c'était très intéressant pour eux que, finalement, le PC italien fasse tout ce qu'on attendait de lui, sans être au pouvoir finalement. C'est-à-dire se ranger du côté de l'État, donner sa propre force de frappe à l'État italien, sans même qu'on lui file un poste de ministre. Et effectivement, ça, c'est une stratégie qui a très très bien marché, si on suit Sanguinetti. Si c'est effectivement une stratégie, ce que je pense vraiment, elle a très très bien marché, puisqu'il n'y a pas eu de gouvernement... Ah, on me demande de parler plus fort. Je vais essayer. Je vais essayer de parler plus fort. Oui, bon, monte un peu mon micro parce que j'ai plus trop de voix. Voilà. On va essayer comme ça. Et donc, Debord va écrire un livre, alors que les journalistes ne se sont pas privés pour se foutre de la gueule du titre du livre, en faisant mine de ne pas comprendre, qui s'appelle « Les commentaires sur la société du spectacle ». Alors évidemment, Debord s'auto-commente. Non, Debord commente la société du spectacle. Pas le livre « La société du spectacle ». Mais la société du spectacle. Parce que pour lui, en Italie, situation qu'il connaît très bien, je rappelle qu'il est encore en lien avec Sanguinetti à cette époque-là, pour lui, donc en Italie comme en France, et particulièrement en France, commence à poindre ce qu'il appelle le spectaculaire intégré. Ouais. Le spectaculaire intégré, qui est en quelque sorte la jonction entre le spectaculaire diffus, donc je vous rappelle le capitalisme de marché, et le spectaculaire concentré, le capitalisme bureaucratique des pays dits socialistes, d'Europe de l'Est et de Chine, dans lequel la société capitaliste de marché se bureaucratise elle-même, et où finalement on subit les deux aliénations qui étaient séparées jusqu'à présent entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest. Voilà. Donc notons que Debord, contrairement à une légende répandue par le courant qu'on appelle la Nouvelle Droite, notamment à travers leur revue, puisqu'ils ont fait une nécro de Guy Debord dans laquelle ils disaient que Debord, ils en étaient eux les seuls héritiers. Alors petit rappel, la Nouvelle Droite, revue entre autres créée par Alain de Benoist, enfin groupe de réflexion entre autres créé par Alain de Benoist, était une revue dont la grande idée était de redorer le blason de ce qu'il faut bien pour le coup appeler le fascisme, et ce qui incluait l'idée de diffuser l'idée que les extrêmes se rejoignaient et que finalement voilà, ils étaient le camp des révoltés. Ouais, c'est une idée qui les arrange bien en général. Ouais, c'est une idée qui les arrange très bien. C'est ça l'essence du fascisme. Le fascisme, dans son essence, n'est pas d'extrême droite. L'extrême droite est réactionnaire. Le fascisme, lui, c'est plus compliqué. Il y a une très belle formule de Wilhelm Reich, qui, dans son livre sur le fascisme, donc Psychologie du fascisme, dit en fait le fascisme, c'est une énergie révolutionnaire mise au service d'une cause réactionnaire. C'est assez bien vu. C'est assez bien vu. Et le fascisme, c'est cette espèce d'hybride qui emprunte à la fois à la tradition socialiste, au vrai sens du terme, hein, enfin au sens historique du terme, et à la tradition de l'extrême droite traditionnelle, dans une espèce de gloubi-boulga informe. Et je tiens à informe, puisque c'est aussi ce qui fait sa force, c'est qu'il est très plastique, du coup. Hein. Il se revendique de rien dans l'absolu, il peut être tout et son contraire d'un moment à l'autre. Voilà, bah, il faudrait quasiment faire une émission sur le fascisme, d'ailleurs. Oh là là, ouais. Peut-être dans le numéro 5, peut-être, quand on aura fini avec les gauches communistes. Et donc Debord, contrairement à cette légende, c'est vrai qu'il va se, il va se, à la fin de sa vie, notamment après la mort de Gérard Lebovici, qui était en quelque sorte son mécène. Voilà. Gérard Lebovici, qui était un producteur de cinéma extrêmement riche, qui avait entre autres produit les films de Jean-Paul Belmondo, Le Magnifique, etc. Enfin, tous les films des Tribulations d'un Chinois en Chine. Et qui va se prendre d'amour pour la Révolution. On ne sait pas trop pourquoi, au début des années 70, et qui va créer avec Guégan une maison d'édition qui s'appelait Champ Libre. Et qui va rencontrer Debord dans le cadre de cette maison d'édition, quand Debord se cherchait un éditeur, et va naître une grande amitié entre les deux personnages, jusqu'à ce que finalement les éditions Champ Libre deviennent, voilà, des éditions qui reprennent la tradition situationniste, au moins dans sa tendance debordienne. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque de Guégan, bon, il y avait beaucoup de choses très intéressantes, mais c'était un peu n'importe quoi du point de vue. Alors du n'importe quoi sympathique en même temps. Ils avaient une série d'ouvrages de science-fiction docu qui plairaient beaucoup aux copines d'Objectif U. Voilà, des grands classiques de science-fiction docu. Ouais, cool, hein. Ouais. J'en apporterai si tu passes Hippo la semaine prochaine, j'en apporterai. Ou lundi soir si j'ai le temps, ouais, je passerai en apporté. À quelle heure lundi soir? Parce qu'on a voulu l'annoncer, voilà, tout à l'heure. Ouais. Objectif Q. On nous a dit 22h minuit. C'est okay. Pas sûr et tout que ça ait lieu, mais en fait, bon. Si Objectif Q aura lieu, aura bel et bien lieu 22h minuit. Bah, hein, la technique était pas sûre tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, peut-être que j'en apporterai aux filles pour Objectif Q. Donc bon, le temps qu'elles en prennent connaissance, ça sera peut-être pas ce lundi, mais peut-être les lundis suivants. Donc des livres d'auteurs très connus de la SF ou du fantastique, il y a eu Moorcock, il y a eu Philippe K. Dick, etc., etc. Donc des trucs très marrants. Hein. Il y a aussi un livre de Gilles Devey, très intéressant, enfin, encore une fois paru sous le nom de Jean Barraud, qui s'appelle Le Mouvement Communiste, qui est très difficile à trouver maintenant, mais qui est très intéressant pour les gens qui s'intéressent à la gauche communiste française. Mais bon, après la rencontre avec Debord, ça va devenir un petit peu la maison d'édition des post-situationnistes. Voilà, c'est là où Jaime Semprún, dont je parlais la semaine dernière pour l'EDN, a fait ses premières armes. C'est là, enfin voilà. Et donc voilà, Debord, après la mort de Gérard Lebovici, qui meurt assassiné dans des circonstances extrêmement louches, voilà, dans un parking. Assassiné par arme à feu. Alors les journaux français vont le sortir comme une espèce d'éminence grise, voyez, un petit peu comme les sergents recruteurs de notre mouvement si on écoute les médias, voyez. Et il va décider de se détacher complètement de la présence publique en France. Bah, il va être très actif en revanche, mais anonymement en Espagne, notamment. Quand des autonomes espagnols se sont fait enfermer pour avoir fait des casses pour financer une Renéo pour éditer leur tract. Il y a un livre d'ailleurs paru aux éditions Champ Libre qui s'appelle Appel de la prison de Ségovie. Donc maintenant, les éditions Champ Libre s'appellent Ivrea en fait, elles ont changé de nom. Appel de la prison de Ségovie, dont le premier texte est en fait écrit par Debord. Donc jusqu'au bout, il va rester révolutionnaire, mais c'est vrai que publiquement, il ne fera plus de déclarations. Voilà. Il y a encore d'autres gens qui continuent d'anciens de l'IS. Donc il y a Rizol qui va rentrer à la Confédération Paysanne, qui va en quelque sorte être à l'aile gauche de la Confédération Paysanne. Il y a Van Egem qui continue à écrire, qui continue à radoter sur la jeunesse depuis le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Voilà, bon, alors comme je disais, la jeunesse actuelle étant ce qu'elle est, ça finit par lui donner raison, sauf que ça fait 40 ans qu'il dit « la jeunesse actuelle va renverser le monde », bon voilà. Mais quelqu'un de sympathique par ailleurs, je pense. Je pense vraiment qu'il est sympathique, ceci dit, j'ai un pote qui était en lien avec lui, il a été plus que correct, donc je pense vraiment qu'il est sympathique, mais après bon. Le fait est que l'IS va faire beaucoup de petits, hein, si on veut penser à l'héritage. Alors j'avais parlé la semaine dernière de l'encyclopédie de Byzance, où Debord rencontre Ellul en quelque sorte. Il y a eu une rencontre hein, d'ailleurs, Debord et Ellul qui n'a pas beaucoup duré. La décroissance rencontre la théorie situationniste, pour finir par dégénérer complètement d'ailleurs. Et puis il y a eu un certain nombre de revues, en général assez confidentielles, dont celle que j'éditais quand j'étais jeune, Le Bon Vieux Temps. Et l'héritage, l'héritage reste quand même assez visible à chaque fois que vous avez un slogan un peu rigolard. C'est une tradition qu'on doit aux situationnistes, ça. C'est vraiment une tradition qu'on doit aux situationnistes. Même le détournement, enfin ce Le qu'on en a aussi détournement, parlé voilà, la ouais. semaine dernière, des choses issues de la culture populaire. Je parlais du mouvement punk, par exemple, dans lequel j'ai grandi quand j'étais enfant, enfin quand j'étais adolescent. Malcolm McLaren, qui était le manager des Sex Oui, alors Pistols. Malcolm McLaren, oui, il faisait effectivement partie d'un groupe de prostituées qui s'appelait Kim Mob. Sauf que lui, il y avait une approche Mais vraiment, vraiment, vraiment cynique, mais il il y raconte avait vraiment voilà. que pour lui, la création de cette, enfin, il présente ça comme ça, rétrospectivement, quoi, que l'invention du mouvement punk, C'était assez c'est bof, un hein. happening. Oui, Ouais, oui. non, c'était assez bof. Il n'a pas inventé le mouvement punk, en plus, c'est des Non, conneries. mais c'est hyper C'est une invention prétentieux. collective, ça appartient au prolétariat international organisé. Lui, le bourgeois, voilà, c'est pas. C'est Rotten, le prolétaire, qui. Voilà. Et puis d'autres. Ouais, les Clash, Non, bien les sûr. Buzzcocks. Hein. Mais c'est vrai qu'il faisait partie d'un groupe prostitué qui s'appelait Kim Bob. Maintenant, l'héritage situationniste, on le voit en dehors de ça. Par exemple, à l'époque où Libération était encore un journal maoïste, avait débarqué un collectif de graphistes, vraiment passionnant d'un point de vue graphiste d'ailleurs, qui s'appelait Bazooka. Et dont tu as peut-être entendu parler, Hippo d'ailleurs, je te vois acquiescer. Donc avec Kiki Picasso, entre autres, enfin toute une bande de joyeux lurons qui décoraient en fait Libération. Alors en général, ça tournait à la baston avec les Mao de Libération, d'ailleurs, physiquement. Hein, Giocangame était prostitué un peu aussi. Il a été proche, au Kenya, il a été proche. Puisqu'on parle d'homosexuel, le phare, les situationnistes font partie de leurs références explicites, par exemple. Donc, le collectif Bazooka, qui est vraiment un collectif de graphistes punk, fait très très directement dans sa façon d'envisager le graphisme, et notamment par le détournement, directement allusion au situationniste et à cette tradition-là, quoi. Et c'est quelque chose qui est constant, qui se voit aussi dans les fanzines punk. Voilà, depuis les tout premiers, Sniffing Glue créé par John Savage au tout début de la vague punk britannique, jusqu'à nos jours maintenant, l'esthétique doit énormément au point situationniste. Et au-delà de l'esthétique aussi, cette idée de do it yourself, le mouvement autonome, en fait, en gros, alors en France, le mouvement autonome, on pourrait presque dire que c'est des maoïstes qui découvrent les thèses situationnistes et qui trouvent ça cool. D'une façon générale, c'est vrai que pour Bob Danoulek, enfin la première vague des autonomes, Ce qu'on les appelle un peu situationnistes, hein. Mao Spontex. Les situationnistes, c'est la référence, ouais, c'est vraiment la référence. Donc au-delà de l'esthétique, il y a aussi un certain sens du jeu et de la fête, l'idée que c'est la vie quotidienne, le terrain de bataille, et c'est une idée qui est totalement, encore une fois, pas du tout en rupture avec Marx, parce que Marx lui-même disait qu'en fait c'était la vie quotidienne qui produisait la conscience des gens. Donc c'est en agissant sur la vie quotidienne qu'on crée de la conscience de classe. Et ça, c'est ce que les situationnistes avaient compris, ils ont été parmi les rares à l'avoir compris. C'est sûr qu'ils ont été aidés par le fait que les textes qui pouvaient permettre de comprendre ça de Marx étaient disponibles à leur époque, alors qu'à l'époque précédente, ça ne l'était pas. Mais encore une fois, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont connu par les situationnistes. Et aussi, accessoirement, alors, on parlait de la société du spectacle, Guy Edern disait que c'était un livre difficile à lire, enfin, qu'il avait la réputation d'être difficile à lire, et c'est vrai qu'il n'est pas forcément d'un abord facile. L'expression est très belle, donc du coup, on rentre dedans comme pratiquement de la littérature, et on y reste pour autre chose, parce que en fait, c'est un livre qui, par le détournement, permet de faire énormément allusion à des choses, à d'autres choses. Un ailleurs ouvert sur notamment il cite Karl Korsch, il détourne énormément Autorul dans la partie historique, une grosse partie de la partie historique est directement empruntée à fascisme rouge, fascisme brun d'Autorul, qui est une critique des bolcheviks. Et Autorul qui est un des membres de la gauche communiste germano-hollandaise. Karl Korsch, un des membres de la gauche communiste germano-hollandaise. Donc c'est un livre qui ouvre sur énormément de choses, mais c'est par les situationnistes que j'ai connu la gauche communiste. Ça, on en parlera la semaine prochaine Mais aussi. on en parlera la semaine prochaine. Et voilà, donc c'est un héritage intéressant, encore faut-il, comme le disait un ami, ne pas simplement en reproduire la pose, mais en comprendre l'esprit. Voilà, on peut appliquer au situationnisme dans leur ensemble ce que Debord disait sur le conseillisme. Voilà, c'est notre héritage. Voilà, il faut en faire quelque chose. Donc il faut le critiquer, il faut le réinterpréter, le recomprendre, pas simplement reproduire les gestes. Et voilà, je crois que ça va être ma conclusion sur l'IS. Si tu as quelque chose à ajouter de Guy Edern. Bon, je remettais la main sur un texte assez célèbre de Debord, donc extrait de commentaires sur la société du spectacle. Si ça te va, on termine vas-y, dessus. Vas-y. Je vais le lire à la manière monocorde d'un. C'est dur, hein, je te préviens. Guy Debord. Je te préviens, c'est très dur. Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi, le terrorisme. Elle veut, en effet, être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. L'histoire du terrorisme est écrite par l'État. Elle est donc éducative. Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que par rapport à ce terrorisme, tout le reste devra leur sembler plutôt acceptable, en tout cas plus rationnel et plus démocratique. La modernisation de la répression a fini par mettre au point d'abord sous l'expérience pilote de l'Italie, sous le nom de repenti, des accusateurs professionnels assermentés. Ce qu'à leur première apparition au XVIIe siècle, lors des troubles de la Fronde, on avait appelé des témoins à brevet. Ce progrès spectaculaire de la justice a peuplé les prisons italiennes de plusieurs milliers de condamnés qui expient une guerre civile qui n'a pas eu lieu, une sorte de vaste insurrection armée qui par hasard n'a jamais vu venir son heure, un putschisme tissé de l'étoffe dont sont faits les rêves. On peut remarquer que l'interprétation des mystères du terrorisme paraît avoir introduit une symétrie entre des opinions contradictoires. Comme s'il s'agissait de deux écoles philosophiques professant des constructions métaphysiques absolument antagonistes. Certains ne verraient dans le terrorisme rien de plus que quelques évidentes manipulations par des services secrets. D'autres estimeraient qu'au contraire, il ne faut reprocher au terrorisme que leur manque total de sens historique. L'emploi d'un peu de logique historique permettrait de conclure assez vite qu'il n'y a rien de contradictoire à considérer que des gens qui manquent de tout sens historique peuvent également être manipulés. Et même encore plus facilement que d'autres, il est aussi plus facile d'amener à se repentir. Quelqu'un à qui l'on peut montrer que l'on savait tout d'avance de ce qu'il a cru faire librement. C'est un homme inévitable, des formes organisationnelles clandestines de type militaire, qu'il suffit d'infiltrer peu de gens en certains points du réseau pour en faire marcher et tomber beaucoup. La critique dans ces questions d'évaluation des luttes armées doit analyser quelquefois une de ces opérations en particulier, sans se laisser égarer par la ressemblance générale que toutes auraient éventuellement revêtue. On devrait d'ailleurs s'attendre, comme logiquement probable, à ce que les services de protection de l'État pensent à utiliser tous les avantages qu'ils rencontrent sur le terrain du spectacle, lequel justement a été de longue date organisé pour cela. C'est au contraire la difficulté de s'en aviser qui est étonnante et ne sonne pas juste. Bon, ça dure encore longtemps, c'est normalement. C'est pas mal du tout, ouais. C'est pas mal du tout, tu le fais assez bien, là, hein. Tu le fais assez bien, effectivement, tu l'as tenu. On va passer à un morceau qui sera peut-être coupé, du coup, parce que dans 3 minutes maintenant, on aura droit à un décrochage de Radio Debout à la Maison du Peuple Occupé. Donc voilà, je vous laisse avec Patrick Catani et Paul PM, Can't You Follow. C'est un petit peu comme si Tom Waits avait fait du rap. Can you follow? Yeah. Can you follow? Deep half, deep half, deep half, deep half. We'll be right back. did you follow me? Et donc devant la... on est avec Lise Marie, avec Camille hein, et avec Samia. Et on est donc juste, on est encore dans la rue. Et ce qu'on vous proposait de faire, c'était faire une petite déambulation partant vraiment de Ground Zero, à savoir vraiment l'entrée de la Maison du Peuple qui est de nouveau occupée à Rennes. Salut. Et puis on va vous décrire, on va être vos yeux un petit peu de pendant toute cette déambulation. Voilà, eh bien, allez, c'est parti. Eh bien, écoute, on peut commencer par ce qu'il y a décrit sur le mur qui fait à la salle de la cité, à la maison du peuple, sur laquelle il y a écrit « Vivre la commune ». Ça donne un petit peu le ton, effectivement, de la volonté ici de dépasser le cadre de la loi travail. Et juste en dessous, il y a marqué « Écoutez 100.3 FM, la radio de la maison du peuple occupée, qui s'appelle Radio Croco ». Et malheureusement, il n'y a plus d'antenne, puisque le 13 mai, on n'a pas réussi à l'évacuer pour pouvoir la garder pour le cas où on aurait récupéré la maison du peuple. Voilà, du coup on s'est fait voler beaucoup d'affaires à l'expulsion le 13 mai par la mairie. Et du coup on est maintenant face à la cour qui est pleine de monde parce qu'il y a une soirée ce soir en soutien aux camarades qui sont en prison et contre la répression, donc une soirée anti-rep sur le portail de l'entrée de la maison du peuple. On peut lire aussi « Je veux vivre de grève, si vivre c'est travailler ». Et de l'autre côté, on peut lire « La barricade n'a que deux côtés ». Voilà, du coup, on va pouvoir rentrer à l'intérieur, se fondre un petit peu dans la masse, dans la foule, en délire. Il y a même des enfants qui sont là, c'est merveilleux. Et on peut aussi constater le respect qui est donné au mur de cette maison qui est une maison vraiment très symbolique et qui est une des raisons pour lesquelles on a réussi à rentrer ici la première fois et c'est cette première fois qui nous a permis d'y revenir une deuxième. Et du coup on voit affiché sur la hauteur « Nous reprenons ce qui est à nous ». Voilà, c'est une nouvelle banderole. Hein. C'est une nouvelle banderole qu'on n'a pas fait la première fois puisqu'on n'était pas revenu, mais c'est parce que c'est ça le message, quoi. C'est que nous reprenons ce qui est à nous, on considère que ce lieu est à nous. Il y a aussi écrit « Demain s'ouvre au pied de biche », c'est une invitation. Et une troisième grande banderole qui sont donc vraiment visibles de très loin. Il y a marqué « Amnistie pour les inculpés des luttes contre la loi travail et contre l'aéroport ». Voilà, parce que toutes ces luttes se retrouvent ici et c'est ça qui fait aussi la force de ce mouvement et qui fait une des raisons de notre occupation ici, la raison pour laquelle on a pu investir ce lieu, c'est que on est regroupé, cette lutte ici, elle regroupe beaucoup d'entités politiques. C'est vrai qu'on n'est pas loin de la ZAD, hein. On est à une heure et demie de route ici de la ZAD. On est à une petite heure de la ZAD. Ouais. Et donc je vérifie sur. Parce que alors pour tout vous expliquer, on a fait un délestage de hop. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà. Eh bien non, c'est tout bon. Voilà. Non, on fait un délestage d'antenne en fait. C'est-à-dire que il y a les copains qui sont dans les studios et puis on émet avec un téléphone. Alors des fois le téléphone, l'écran s'éteint, on ne sait pas si encore on a l'antenne parce qu'on n'a pas de retour. Donc c'est. C'est assez, c'est un peu fragile. Voilà. Alors, et vas-y, dis-nous. Raconte-nous un peu toi, là, ton rapport à ce lieu-là. Tu le connaissais depuis longtemps. Non, moi, je vais pas trop vous expliquer un peu l'histoire de la salle de la cité. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis à Rennes et du coup, en même temps, ça a été ouvert le 1er mai. Du coup, c'est l'occasion. C'était l'occasion d'y aller, d'essayer de s'organiser. Ouais. Toi, ce lieu-là, tu le connais, tu l'as connu rapidement quand t'es arrivé. T'as entendu parler de ce lieu-là rapidement parce que moi, j'ai l'impression, pour tout te dire, que en fonction de là où tu te situes en termes de préoccupations politiques, eh bien, on connaît plus ou moins ce lieu-là, en fait. C'est-à-dire qu'on a croisé des gens pour qui c'était évident, la maison du peuple, c'était là et pas ailleurs, et que oui, on sait très bien ce qui s'y passe et comment ça fonctionne. Et puis on a croisé aussi des gens pour qui c'était vraiment le grand bleu, c'était inconnu. Ah ouais, non, moi je connaissais pas l'histoire, du coup, tout ce que je savais, c'était qu'il y avait des événements culturels ici, quoi. Donc voilà. Voilà. Il faut savoir que ce lieu est sous-exploité depuis pas mal de temps parce qu'il prévoit juste à côté un centre des congrès qui va faire que cette place Sainte-Anne où il y a la salle de la cité était une place très, très populaire et toujours une place assez populaire, mais dès que ce bordel dégueulasse sera terminé de construire, on a de fortes chances de voir les bières passer à 4 euros et beaucoup plus de personnes habillées en costard cravate imposer une autre norme, quoi. Et du coup, c'est aussi ça que ça dit, cette occupation de lieu, c'est une réoccupation aussi de la place Sainte-Anne, une réinvitation à habiter vraiment nos espaces de rencontre et pour le coup d'organisation, quoi. On rentre là. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur et que tu nous racontes un peu, est-ce que tu peux nous décrire le bâtiment, nous dire en quoi il est fait, tu vois? Il est en bois, il est comment ce bâtiment en fait de la maison du peuple? Il est entièrement fait en paille. Bio, paille bio évidemment. En vrai, il a été construit fin du 19e par des ouvriers. C'était l'ancienne bourse du travail. Là, en ce moment, on peut voir des gens qui préparent la cantine pour la soirée, des gens qui boivent des coups, qui discutent. Je pense que ça conspire à droite à gauche. Ici, on était aussi au lieu de... On va pouvoir revenir sur les inscriptions qu'il y a encore. Ouais. Quand on se rapproche, on voit de nouvelles inscriptions en fait. Hein. Ouais, au-dessus de salle de la... Il y a écrit « Ce n'est pas le peuple qui fait la révolution, c'est la révolution qui fait le peuple ». Et on peut rajouter aussi à côté une banderole pour les 20 camarades qui ont été arrêtés. Qui sont inculpés, qui ont une procédure judiciaire tous sur le dos, plus ou moins sévère. Et juste au-dessus aussi une banderole de la CIP, de la coordination des intermittents et précaires. Ouais, qui était avoir investi le Gaumont, ils sont partis, ils ont investi quoi aujourd'hui? Le théâtre, le TNB. Alors en fait tout ça c'est la question du processus de convergence des luttes, on va dire, qui du coup aujourd'hui est complètement acté, donc on parle plus de convergence des luttes puisque ça y est, c'est bon, on a passé cette étape, on peut parler d'autre chose. En fait, ce qui s'est passé, c'était surtout qu'il y avait une grosse dynamique au sein des universités, qu'il y avait aussi une dynamique au sein de la CIP parce qu'il y avait une remise en question très violente de l'assurance chômage dans son ensemble et pas uniquement des intermittents. Juste la CIP, c'est la coordination... Des intermittents et précaires. Voilà. Il y a eu un moment, du coup, les AG à la fac allaient prendre fin. Donc il y a eu la CIP qui a proposé d'investir le TNB avec l'accord du directeur pour pouvoir y faire des assemblées. Là, il y a eu un début de liens qui se sont faits et il y a eu effectivement, du coup, c'était ce qu'on a appelé après ça l'AG Interpro qui réunissait du coup plein de d'entités politiques différentes et des jeunes, des syndiqués, des non-syndiqués, des partisans politiques et non, etc., etc. Et la CIP et des autonomes. Et il y a eu cette action de proposer le 1er mai, donc c'est doublement symbolique quoi, d'arriver dans ce lieu-là un 1er mai, étant donné par qui a été construit ce lieu et à quoi il servait avant. Et il y a eu cette occupation du Gaumont, mais bon, on trouvait ça un peu chiant à habiter. Du coup, on s'est dit qu'on allait se déplacer. Et comme on a eu écho qu'il y avait une intersyndicale qui se retrouvait ici, on s'est invité. Et un quart d'heure avant qu'on arrive, ils avaient des garpies sur la demande du préfet, apparemment. En fait, quand on est arrivé en bas, il y avait encore les techniciens qui étaient dans le coin. Et puis, on leur a dit, soit vous nous ouvrez, soit on y va au pied de biche. Du coup, ils nous ont ouvert. Et du coup, il n'y a pas eu d'infraction. Ça a été donné, quoi. Ça a été offert. Ouais. C'était un vrai cadeau. C'était un vrai cadeau du 1er mai. C'était une vraie fête du travail, quoi. Enfin, Des travailleurs. Pardon. Et des travailleuses, d'accord. Ouais. Allez, on rentre. Il y a la cantine aussi qui vient. Ouais. On va aller voir un peu la cantine parce que je crois qu'ils préparent un petit mafé, il me semble, c'est ce qu'on m'a dit. sont arrivés avec des bonbonnes, des grandes bonbonnes vertes. Et puis des gros gros plats, plein de salades. Alors qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites les amis là? C'est Radio Debout, Radio Croco, en direct, via le téléphone. Tu peux nous dire ce que vous avez préparé? Là c'est un mafé vegan. D'accord, semoule. Voilà. Ouais c'est ça, semoule, ensuite c'est pomme de terre. pommes de terre, plein de légumes, je sais pas, j'ai pas fait la nourriture, faut pas demander à moi. Ouais. Moi, je la sers. Ça sent bon en tout cas. Ça sent bon. Ouais. Et avec du beurre cacahuète du coup dedans. C'est pour ça que ça sent bon. Et là, qu'est-ce qu'il y a une alors? C'est chocolat, moi je connais le chocolat. Voilà, alors, ça c'est rosé voilà. Sable, donc chocolat, céréales, voilà. Ok. Bon. Et vous êtes allé faire ça où? Où est-ce que ça a été préparé tous ces plats? Du coup un peu comme on pouvait, droite à gauche, et puis voilà. D'accord. Quoi. Et alors ça se fait souvent? Vous le faites à prix libre j'imagine? Ouais. Voilà. Après libre en effet. D'accord. Je suis désolé, je vous laisse parce que. Non, non, mais ouais, à tout à l'heure. Hein, on viendra manger tout à l'heure. Merci. On rentre et on va rentrer maintenant dans la maison du canobisme. Avec Camille. Ouais, parce qu'il y a des gens qui. Il y a plein de gens qui font la queue en fait. Et donc il était un peu pris par. La pression des gens qui ont envie de manger en fait. Bah ouais, ça. Allez, on rentre. On rentre dans cette dans cette grande maison qui est faite de pierre de granit comme pas mal de maisons du coin. Voilà. Allez. Ah, c'est une autre ambiance hein, donc sonore. Alors là c'est beaucoup de travailleurs hein, au chômage ou pas. Voilà. Là du coup on va rentrer dans la salle où il y a la boum de la soirée. Allez on rentre, voilà. Salut. Donc là on est dans le SAS, on peut voir un petit peu plus loin que sur le mur sont affichés les rendez-vous de la semaine qui ont été donnés dans la soirée avec le bar qui est juste à côté, c'est très bien pour bien voir les rendez-vous. Bar de la grève. Le bar de la grève, voilà, parce que du coup ici on a on a mis en place une commission qui s'appelle Nourrir la grève, donc ça inspire aussi les bars, c'est boire la grève. Et si on veut, sur notre droite, on a les escaliers aussi qui vont nous amener en lieu et place de la radio Croco quand il y avait l'antenne, qui diffusait quand même, faut le rappeler, à plus de 20 km autour de Rennes, parce qu'ici on est en hauteur et du coup c'était plutôt bonnard. C'était pour une antenne capter. FM. Hein. C'était une antenne ouais, FM. Parce que là, ouais. On est même ouais. sur du net, mais l'internet, mais c'était une antenne. Et là, bon, on rentre deux secondes dans cette grande salle qui sert de salle d'AG. Et avant de rentrer dans la grande salle, on peut voir au-dessus un écriteau qui indique pas de photo, mais tu peux peindre ou dessiner. D'ailleurs, c'est une photo qui a été prise hier par l'un de nos copains et qu'on a dû mettre sur Twitter pour voilà, donner un peu des images sans les visages. Et je précise aussi que la soirée était initialement prévue. Alors là, il y a des travaux parce que, ah oui, on est aussi devant les barricades de l'entrée principale parce que là, on est rentré par la porte du côté, mais en plein milieu, il y a des barricades qui ont été notées parce qu'elles sont restées en fait depuis l'expulsion du 13 mai. Elles ont été notées par la police 7 sur 10, les barricades. On était quand même assez fiers. Ah ouais ? Parce que elles ont été quand même assez astucieusement. Ouais, c'est des barrières collées, c'est des barrières Vauban, c'est ça là, c'est des barrières c'est les barrières qu'on retrouve en tout cas à chaque fois que les événements, les trucs comme ça, ouais, c'est ça. Ça ouais, du coup elles ont été soudées, il y a eu les murs qui ont été percés, le sol également pour pouvoir bien les fixer. Il y a des sortes de grilles qui ressemblent un peu à des grilles anti-émeute qui sont en fait des grilles on va dire pour la foule quoi, quand on est en avant-scène, du coup qui servent vraiment à bloquer parce que les portes s'ouvrent vers l'extérieur, ce qui fait que ça sert à rien de mettre un amas de choses devant, étant donné qu'il suffit d'ouvrir les portes et de débarrasser. Donc là, voilà, c'est pour la raison pour laquelle il a fallu percer le sol et les murs pour pouvoir bien fixer tout ça. Et c'est effectivement assez solide. Ils ont eu quand même pas mal de mal à rentrer à l'intérieur, quoi. Ils ont été obligés d'y aller à la meuleuse. Il n'y avait pas d'autre solution, quoi. Il n'y avait qu'une seule porte. Et après, ils ont tout démonté avec leurs petits outils. Il faut savoir qu'ils étaient quand même mieux outillés que nous. Hein. Ah, tu peux nous raconter cet espace qui est quand même assez magique. Alors on rentre dans la grande salle, en fait, c'était une grande salle, c'est une grande salle qui sert à plein de choses ici, en fait. Tout à l'heure, il y avait une AG, avant l'AG, il y avait une discussion, ouais, voilà, avec, un, avec un juge qui a la retraite. Hein. Ouais. Ouais, donc là, en fait, c'est un peu ici la salle multifonction où on peut ouais, on faire des ciné-débats, des concerts, des assemblées, des commissions. Alors, peut... attends, juste, j'ai peur que le son soit un peu trop fort parce qu'on est dans cette grande salle, il y a plein de réverb, etc. On va ressortir comme ça, on va mieux t'entendre en fait. Parce que... Et du coup, il y a aussi l'autre barricade, y en a, en fait, il y en a partout quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue insurrectionnel, cette salle, elle est absolument parfaite parce qu'on est en plein centre-ville, que tout ce qui nous entoure, c'est deux petites rues assez resserrées qui sont du coup assez pratiques. Oula, il y a du mafé qui a failli être renversé. Non, pas encore. Qui a failli. Ouais, du coup, on est quand même dans une situation assez, assez propice, étant donné que les deux seules rues qui sont autour de la salle sont des petites rues qui sont encore dans un cadre pas, qui ressemble pas aux, aux structures institutionnelles type Place de la République à Paris. Et ça permet bah, du coup d'avoir plein de petites sorties, même si du coup l'idée c'est pas de, effectivement de sortir en cas de, d'expulsion, mais bien de rester à l'intérieur et de résister. Mais du coup ça implique que bah, les sorties sont faciles à barricader quoi. Que il y a juste deux portes côté rue de l'échange et que après il y a la cour côté rue Saint-Louis. Et, on va peut-être aller voir, ça permettra de montrer l'accès en haut. Bah ouais, on peut aller voir, ouais. Après on va être dans le son un petit moment, ouais, mais ouais. On peut entendre le son. Alors on va traverser la salle justement pour aller rejoindre cette porte. Hein. On peut ouais, c'est bon, allez, voilà. Si le son est un peu fort, c'est normal, c'est la boum. Hein. C'est la boum dans cette grande salle qui fait je sais pas moi, qui fait je sais pas 300 mètres carrés, on dira quoi, tu vois. C'est une scène de spectacle hein, en fait. Hein. Et donc il y a vraiment tout loisir de faire plein de choses. On descend 4-5 marches, on se retrouve dans les loges. Voilà, bah ouais, on parlait de spectacle. Loge anciennement loge des artistes. Et du coup, bah ça permet de. Ma chambre. C'est une cave en fait. Non, c'est une loge. C'est une loge, mais comme on est en. Vous comprenez bien, on est en. Il y a encore du réseau, ouais, même si on est dans la cave, enfin dans les loges en sous-sol. On n'est pas, ouais, voilà. C'est la loge, il n'y a pas de. On est à hauteur du rez-de-chaussée là en fait. La rue est juste derrière ce mur et ici tu peux voir une des deux portes qui donne directement accès à l'extérieur et qui est effectivement barricadée de la même manière que ouais. L'autre côté. Ah, moi j'aurais mis plus que 7 sur 10 en tout cas parce que c'est bien soudé, bien pensé. Effectivement, il y a des gens qui ont un peu de métier qui ont fait ces barricades. C'est assez marrant de voir comme quoi au service de la lutte, il y a des gens qui mettent en place leur connaissance et de soudeur. Ben ouais, voilà. Et il y a des hackers qui font de l'informatique parfois, de plus en plus. Et là, voilà. Et donc, superbe chantier du nouveau Palais des Congrès, c'est ça ? C'est le Palais des Congrès Ouais, c'est ça, ouais, c'est voilà, le Palais des Congrès. Ouais. C'est un gros truc dégueulasse dont on peut voir la vidéo sur Internet. Ouais. Donc ça fait assez... on est dans deux univers parallèles, en fait. Donc là, t'as un espèce de projet initié par la ville qui va servir tout sauf les habitants. Et de l'autre côté, un groupe de gens qui luttent ensemble et qui essayent de s'organiser contre notamment aussi des choses comme ça, quoi, des projets qui sont décidés par les plus grands et qui vont bénéficier toujours aux plus riches. Hein. Ouais, c'est ça. On voit le chantier à travers un tout petit trou dans le mur, on voit des palissades, des tags quand même qui ont été faits sur les palissades en bois. Voilà. Voilà. Et en fait c'est là où le plus chouette après l'expulsion, ça a été vraiment la réappropriation par tout le monde de la place Sainte-Anne. C'est hyper fort en fait symboliquement de se réapproprier toute la place Sainte-Anne alors que... on est face à le deuxième projet de métro à Rennes et cette espèce d'énorme bâtiment quoi. Okay. Donc c'était assez chouette quoi, où l'acte militant était allé faire un foot et aller manger une crêpe de la cantine. Voilà, on continue. Je sais toujours pas si je vois pas si j'ai du réseau. C'est un peu ouais. A priori, j'en ai. Mais là, j'ai plus d'écran. C'est ça mon problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ouais. Alors, non, parce que j'ai. Voilà. Alors, on va continuer la déambulation en espérant que ça tourne. Est-ce que les copains de la radio peuvent nous dire si vous nous recevez? Alors, on continue, Hop. Allez, on continue. On est toujours dans les loges. Là, franchement, je crains le pire en fait. Là. Je crains le pire. Ah, ça tourne. Voilà. On a la confirmation. Les copains, on est encore dans les sous-sols des loges. Accès scène, entrée artiste avec un petit escalier en pierre sur le côté. Et encore ici quoi. Des barricades, ouais, des voilà. portes de service qui sont bel et bien fermées. Allez, on continue, on va sortir des loges. On va juste l'accès du toit. On va pas pouvoir monter parce que du coup le soir l'accès est interdit à tout le monde pendant la soirée, mais oui. Du coup la journée c'est on plus peut par rapport au danger. Ouais voilà, mais la journée on peut y monter quoi. Ouais. Okay. Allez. Allez là on monte les escaliers qui vont nous permettre d'accéder à la scène. Voilà. Alors c'est marrant. Ici, du coup, là, on a enlevé l'échelle. Et donc, c'est par là qu'on peut monter deux petites échelles pour accéder sur le toit et avoir une superbe vue tout autour. Quoi. D'accord. Super point pour guetter. Quelle frustration de ne pas pouvoir... De ne pas pouvoir monter sur le toit là. Bah non, il va falloir revenir demain, de dormir ici et revenir de. D'accord. Alors, pour vous expliquer un petit peu, ouais, pour monter sur ce toit, c'est une échelle de service qui permet d'accéder à, je sais pas, 5 mètres au-dessus de nous, à une petite plateforme. Qui doit donner sur un couloir et qui donne accès donc au toit. Après, il y a une autre échelle et ensuite, il y a l'accès au toit. Ouais. On va aussi dire pourquoi ce soir il y a un concert, tu vois, on va aussi parler de ça. Et après on retournera un petit peu dans la cour aussi pour parler avec d'autres gens et voir un peu aussi pourquoi les gens sont là, qu'est-ce qui. Voilà, pourquoi ils sont venus, depuis quand, etc. Ouais. Voilà. Moi, je voulais monter sur le toit pour évoquer, mais on l'évoquera dans la cour, là, pour le coup, c'est quoi votre maison du peuple rêvée, utopique? Je voulais faire ça sur le toit, bon, ben, on fera ça dans la cour, pour le coup, quoi. Et bien, tant qu'à faire, là, on est sur la scène, c'est aussi un lieu, c'est une scène, chambre à coucher. Voilà. Pardon? Ici, c'est une scène, et c'est aussi la chambre à coucher des personnes. D'accord, ok. Donc, okay. Voilà. D'accord. Eh bien, on va pouvoir redescendre. On va traverser de nouveau la scène. Donc ambiance. DJ ce soir. C'est pas des musiciens en live, mais c'est un DJ en live. Voilà, avec un grand beau rideau noir et une grande scène en bois magnifique. Voilà. Ah ça y est. Et voilà. C'est nous bonjour. Voilà. Et de l'autre côté, donc à l'opposé de l'entrée. Voilà, c'est vraiment un bel espace, hein, grand et tout, c'est chouette. Les gens, là, mangent un peu, boivent, après ils vont venir danser. Venez, descendre les 3-4 matchs de la scène. On va descendre dans la fosse. On est au pied des haut-parleurs, donc c'est pour ça que vous entendez cette ambiance musicale de folie. Voilà, on va évoquer avec les gens qui sont dans la cour. Plein de choses. Qu'est-ce qui se fait au quotidien ou qu'est-ce qui va se faire? Et moi j'ai très très envie d'évoquer qu'est-ce que la maison du peuple rêvée, utopique, sans aucune contrainte, celle vers quoi l'horizon se pose, mais vers quoi, avec quoi on commence comme maison du peuple. Voilà, ce ne serait pas un horizon inatteignable, mais vraiment que le départ d'une folle aventure du peuple. Voilà. Alors déjà, je voudrais revenir sur une petite chose, c'est que... Il y a déjà beaucoup plus de monde dans la cour, là en un quart d'heure, il y a déjà beaucoup plus de monde qui peuple cette cour. Sur la question des barricades dont on a fait une petite description tout à l'heure, il faut juste savoir que comme ils sont déjà rentrés, en fait ils les connaissent, ce qui fait qu'on leur apprend rien. Voilà. Après, du coup, qu'est-ce que... Alors, ouais, moi, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe au quotidien ici, cette maison du peuple ? Bon, on imagine très bien qu'il y a des âgés, voilà. Mais à part des âgés, les gens, ils dorment. Et il se passe quoi d'autre ? Voilà. Bah, en fait, le fait d'avoir un lieu pour habiter ensemble, ça change beaucoup, beaucoup de choses. On le savait déjà quand ça nous manquait. Et je crois que tous les copains à qui ça manque savent pourquoi ça leur manque. Et maintenant, on sait pourquoi, parce qu'on l'a vécu aussi pendant 13 jours et que là, on est en train de relancer ce truc-là. C'est que bah, ça nous permet d'avoir du temps ensemble, ça nous permet de mieux nous coordonner, de mieux nous organiser, de mieux penser les choses, d'avoir du temps de façon... stable et ancré, d'avoir un lieu de rendez-vous qui soit simple pour tout le monde, que les passants qui arrivent peuvent découvrir à la fois le lieu et ce qu'on fait vraiment et qui sont ces gens qui sont appelés des casseurs par les médias, et pour leur rappeler aussi que les vrais casseurs sont plutôt en uniforme, que ce soit en costard ou armé. Et du coup, bah, effectivement, ici, du coup, il y a plein de nouvelles commissions qui peuvent se mettre en place pour penser et organiser les choses. Bah, comme je disais tout à l'heure, comme nourrir la grève, par exemple. tu dis ça parce que les gens sont en train de manger, en fait. Oui, par exemple. ça permet aussi d'avoir un lieu de rendez-vous pour des discussions sur des points juridiques, sur l'informatique, pour... plein d'autres choses comme ça, là j'ai pas d'autres idées comme ça. Il y a quoi comme commission ? Un petit truc à dire là. Ah, oui, voilà, par exemple, ça qui est absolument génial. Voilà. Je te laisse, Samia. Alors, Samia, raconte-nous ce que tu es en train de nous montrer. Donc, c'est un 4 pages, comme un petit journal. En fait, il y a deux types de presse à Rennes. Il y a l'Ouest France. Donc, le Ouest France, c'est un truc complètement horrible qui en fait délégitime, pourrit tout notre mouvement en disant que au final que c'est juste une bande de casseurs qui a aucun positionnement politique, qui sont là que pour casser, enfin qui font des éditos et des articles complètement merdiques sur le mouvement. Édito d'hier qui était d'ailleurs absolument génial, dans lequel il parlait des anarcho-syndicalistes de la CGT. Ah oui, il y a longtemps qu'ils ne le sont plus. Ça c'est beau quand même. Et là, du coup, il y a une commission qui s'est créée pour faire une nouvelle publication qui s'appelle le West Torch. Donc du coup, ça donne un autre point de vue du mouvement, un point de vue du mouvement de l'intérieur. Ouais. Donc bizarrement, on se rend compte que dans les manifs, il y a des gens qui se font tabasser, qui se font gazer, que la BAC elle est ultra menaçante contre nous. Il y a des fois on veut juste manifester, que on se fait fouiller, on se fait prendre du matériel dans nos sacs, un autre univers que West France ne connaît pas en fait. Et du coup, avis, c'est... Hein, pour être très sincère avec toi, ils le connaissent très bien, ils savent très bien ce qu'ils écrivent. Oui. Ils défendent d'autres gens que nous peut-être. C'est exactement ça. Et du coup, il y a des éditos, un peu de météo, des articles, c'est collaboratif. et du coup, voilà. Par exemple, là, il y a notamment un article sur Rennes pris en otage par... Et c'est qui prend en otage Rennes ? La CGT. La police. C'est méchants grévistes, hein. Oui, c'est les méchants grévistes. Bah oui, notamment quand on a bloqué le dépôt de carburant à Verne sur Sèche, qui est juste à côté de Rennes. L'occupation policière. De quoi ? Non, mais pardon. Ah oui, on remet en place effectivement le problème de l'occupation policière, de qui sont les vrais casseurs, quoi, en fait. Et puis derrière, il y a un petit aussi, un petit fly que j'aime beaucoup, sur lequel on peut lire « Rose, promise, chaume du ». c'est bon ça. Alors, je vais le rendre. Et de toute manière, vous pouvez lire les publications sur alouest.net/ouest-torche. Voilà. Mais on pourra vous filer tout accroché, hein. Ouais. Voilà. Voilà, c'est ça. On a rencontré des gens dans la cour tout à l'heure qui nous expliquent. Ouais. Ouais. Est-ce qu'après on reviendra? Ouais. On fait un petit temps de pause musicale avec les copains de camarades de Radio Croco, ouais, et va. Radio Debout, et on revient après justement sur des gens qu'on a rencontrés, un couple avec un enfant qui nous racontait un petit peu des choses par rapport à ici et puis par rapport aux arrestations, ouais, des quatre personnes. Voilà. Voilà. Alors voilà. Eh bien, comme on s'était dit. Arrestation et incarcération des personnes en question. On va prendre juste deux minutes. Peut-être qu'on peut prendre, donner un peu de saveur là pour la continuité de l'antenne, parce qu'on va revenir un petit peu là-dessus, quoi. C'est vrai que hier on en a pas parlé à l'antenne, mais il y a eu quatre incarcérations hier. Il y a eu une audience et il y a eu quatre mises en dépôt de manifestants. Alors la mise en dépôt, ça veut dire que quand tu passes, là en l'occurrence en comparution immédiate, tu vas directement en prison. Donc en fait il s'agit de trois personnes qui ont été mises en prison tout de suite après leur procès parce qu'elles ont accepté la comparution immédiate. Ce qui s'est passé, c'est que elles sont allées dans un fast-food à l'intérieur duquel on peut lire des écriteaux racistes, homophobes et sexistes, donc complètement assumés et extrêmement agressifs, et que ces personnes seraient rentrées dedans pour y poser simplement des étiquettes, des stickers antisexistes, et au moment de sortir se sont faites violemment arrêter par le gérant du resto et ensuite la BAC est rentrée pour soutenir le gérant du resto et les ont tapés, quoi. Et ensuite elles passent en comparution immédiate et elles prennent je ne sais plus exactement combien de temps, mais du ferme c'est minimum 2 mois, je crois. Faudrait s'assurer précisément du temps, quoi, mais c'est juste insupportable de voir que pour des stickers on prend 2 mois ferme, quoi. Oui. Et ça restera pas sous silence, très clairement. D'accord. Voilà. Pour vous dire, hein, il faut qu'on soit raccord avec les copains qui sont dans les studios, parce que nous ici, donc on est bien à la maison du peuple à Rennes, les copains sont dans les studios, et pour être synchro, pour pas qu'il y ait trop de blanc, etc., etc., à 54 précises, on rend l'antenne. Voilà. Donc on reviendra après, hein. On rend l'antenne pour l'instant, Radio Croco reprend la main et tout ça, et puis après on reprendra l'antenne au téléphone pour raconter ce qui se passe et rencontrer aussi d'autres gens et parler avec eux. Et il y a des... Pour vous dire dehors, en fait ce soir, aujourd'hui il a fait très très beau à Rennes, pour vous décrire le temps, et il a fait très chaud, très beau, il y a eu une petite pluie fin d'après-midi qui n'a pas duré très longtemps. Là ce soir les oiseaux volent assez bas et chantent plutôt fort. Le ciel est plutôt gris-bleu avec pas mal de nuages. Et face à moi, il y a une belle bâtisse avec un beau toit en tuiles. Et derrière, on voit une ligne de rosée comme ça, c'est très beau. Il y a aussi une belle vision quand on lève la tête de l'autre côté. Donc, avec les toilettes du peuple. Et au-dessus des toilettes du peuple, nous avons deux bras de grue. Dans le ciel, comme ça, avec les nuages, c'est très joli. Il y a pas mal de chaises, des tables, et... Il est 53. Et il y a aussi des fauteuils, voilà. Non, mais c'est Camille nous faisait signe que là-haut, il y avait des grues, parce que je crois que ces grues, elles ont joué leur rôle, hein. Alors, non seulement elles ont joué leur rôle, et je pense qu'elles servent toujours, c'est-à-dire qu'il y a très probablement encore des caméras dessus, et puis surtout, pendant l'évacuation du 13, elles ont servi à la police pour venir dans une petite cage sur laquelle on pouvait voir une petite croix rouge, mais à l'intérieur de cette petite cage étaient des policiers. policiers qui visaient les personnes qui étaient sur le toit au moment de l'évacuation. Elle les visait avec des flashballs. Voilà. Policiers du raid. Voilà. À vous les. Vous êtes de retour sur Radio Croco. Oui, Maxime Kachanka, il y a bien de nouveaux jingles. Donc on reprend l'antenne de manière un peu sauvage suite à un désaccord éditorial. Non, c'est eux qui ont rendu l'antenne. On a eu la correction, nous, d'attendre qu'ils rendent l'antenne. Alors que le petit décrochage prévu, voilà, a été... Donc voilà, bah, encore une fois, merci, merci beaucoup à Radio Nuit Debout Paris de donner les endroits gardés et pas gardés à la maison du peuple occupé. C'est une très bonne idée, vraiment, continuez le bon boulot. Je pense que les flics peuvent vous remercier ce soir. Et non, j'ai pas réussi à me calmer, en fait. Enfin oui, voilà, donc pour faire simple, on avait un reportage en direct qui était fait par les gens de Radio Debout, qui était quand même très maladroit. Ils s'en rendent sans doute pas compte, mais effectivement, on est un lieu qui est occupé, qui risque d'être expulsé à tout moment par la police, et que leur donner le plan des barricades, c'est évidemment une grosse connerie. C'est du direct, c'est génial, et on reprend donc. On reprend avec notre émission. Voilà, bon, on prend avec notre émission. Vous êtes toujours sur Socialisme ou Borborisme, l'émission qui a des jingles et qui s'en sert. Voilà. Et donc, on en était arrivé à l'héritage des situationnistes. Je pense qu'on va en rester là pour cette fois. On reparlera de toute façon probablement des situationnistes comme héritage quand on parlera des gauches communistes, de toute manière. Je crois que Guy Ederme, tu voulais reprendre une petite chose sur le syndicalisme révolutionnaire. Bah absolument. Donc, sur les origines du syndicalisme plus largement, mais qui était quasiment par définition révolutionnaire. Enfin, en tout cas, l'immense majorité au début du XXe siècle du syndicalisme se réclamait de la lutte des classes. Et donc révolutionnaire ou réformiste d'ailleurs, l'ensemble du mouvement socialiste se réclamait de la lutte des classes. Bah oui, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, parce qu'on présente souvent les conflits, même actuels, comme opposants révolutionnaires et réformistes, alors que, effectivement, au début du XXe siècle, les réformistes aussi étaient d'accord avec le projet d'exproprier les capitalistes, sauf qu'ils pensaient le faire grâce à des réformes. Voilà, par des réformes graduelles, ce qui est une erreur lamentable, certes. Ce qui est une erreur, mais qui est un objectif qu'ils partageaient avec les révolutionnaires, en tout cas dans la finalité d'exproprier les capitalistes et que ce soit le prolétariat qui gère les outils de production. Voilà. Alors, là-dessus, encore une fois, gérer les outils de production, le communisme n'est pas la prise au contrôle du capitalisme par les ouvriers. Le communisme, c'est un nouveau mode de production qui n'est pas le mode de production capitaliste, mais on y reviendra encore une fois quand on parlera des gauches communistes. Absolument. Alors du coup, ouais, voilà, la petite virgule que je voulais faire, c'est que donc je lisais la charte d'Amiens, qui est le texte de référence de la CGT, mais pas seulement, d'autres syndicats comme Force ouvrière, comme la CFDT et même la CFTC s'en sont réclamés ou s'en réclament. Alors, c'est un peu particulier parce que je demandais des conseils historiques à un camarade qui est qui est un syndicaliste révolutionnaire pur jus, qui est actuellement membre de la CGT et qui anime un courant syndicaliste révolutionnaire à la CGT aujourd'hui, en 2016, et qui me disait au sujet de la charte d'Amiens. Alors, il me disait ça de mémoire et j'ai pas pu vérifier entre temps, mais qu'en gros, la CFDT, telle qu'on la connaît actuellement, est issue historiquement de la CFTC, donc du syndicalisme chrétien qui à ses origines au début des années 20 était un syndicalisme explicitement collaborationniste dans le sens de la collaboration de classe, c'est-à-dire que contrairement au syndicalisme de lutte qui oppose les classes sociales, enfin qui prône la lutte des classes, eux ils prônaient la collaboration, le dialogue social, la négociation. Et par opposition, entre autres, à la CGT et d'autres qui étaient pour la lutte des classes. Et que donc, la CFDT est née de la CFTC de l'époque. Et elle s'est ralliée au syndicalisme de lutte dans les années 60. Bon, ça a évolué après, dans les années 70, vers un syndicalisme à tendance libertaire qui prenait l'autogestion. Et il y a l'exemple assez célèbre des usines LIP, qui étaient des usines de montres. Oui, c'était des usines de montres, tout à fait, oui. Et dont effectivement les leaders étaient issus de la CFDT. C'est très drôle maintenant de tomber sur les brochures de la CFDT des années 70, puisqu'il y est question pratiquement exclusivement que d'autogestion. Alors l'autogestion, pour être une idée critiquable, reste quand même une idée d'une tradition révolutionnaire. Et donc on est très très loin effectivement de ce qu'était la CFDT à ses débuts, au moment où elle a émergé de la CFTC. Et par ailleurs, bon, ça s'explique assez bien, hein, de toute façon, dans la mesure où beaucoup de gens se sont fait plus ou moins vider de la CGT à l'époque très proche du PC pour des rives gauchistes, et ces gens sont partis à FO, la plupart des anarchistes, hein, et ou à la CFDT, qui étaient les deux autres grands syndicats en termes numériques. Et finalement, on est assez proche, faudra peut-être faire une histoire de politique des États-Unis un jour, on est assez proche de ce qui s'est passé avec le Parti démocrate, qui était un parti de droite esclavagiste à ses débuts, et qui a été gauchisé par l'arrivée de gens de l'immigration aux États-Unis dans les années 20-30, jusqu'à devenir un parti de gauche, puis de centre-gauche, puis de centre-droit. Alors que le parti historique de gauche progressiste républicain, lui, s'est droitisé. Voilà. Et autre, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, hein, sur la charte d'Amiens, qui a beau être un texte très court, mais donc il y a deux choses qui en sortent, hein, de cette charte d'Amiens. Il y a la primauté, la lutte des classes, l'expropriation des capitalistes, etc. Et l'autre partie qui est que l'engagement politique et les opinions philosophiques, enfin c'est dit comme ça, doivent rester à l'extérieur du syndicat. Donc ce qui signifie que la lutte des classes, c'est un socle commun qui est quasiment considéré comme apolitique, mais que les opinions, qu'elles soient anarchistes, réformistes, marxistes, etc., étaient censées rester à l'extérieur du syndicat. Et ce qui est rigolo, c'est que donc la charte d'Amiens reste un texte de référence aujourd'hui, sauf qu'il n'est un texte de référence pour la plupart des syndicats que pour la partie indépendance syndicale de la sphère politique. Donc c'est de se dire, on fait du syndicalisme et pas de la politique. Enfin voilà, c'est de créer deux sphères. Et sauf que ce syndicalisme détaché de la sphère politique ne se réclame plus la lutte des classes. Enfin, ne se réclame plus. En tout cas, pour en ce qui concerne les centrales, ça c'est évident. Et puis, enfin voilà. Donc, comme on disait au moment de l'introduction, dans le débat public, on n'entend plus beaucoup parler de lutte des classes, alors que c'est dans ce texte, quoi. Pour les gens qui aiment bien se référer au texte fondateur, que ce soit la Constitution, des choses comme le droit à l'insurrection, des choses comme ça. Bon, enfin voilà, on voit que les textes fondateurs valent ce qu'ils valent aussi, et quand ils ne sont pas suivis de pratiques quotidiennes, bon, ça ne suffit pas. Sans parler des erreurs théoriques qui pouvaient exister à l'époque dans cette affirmation du syndicalisme révolutionnaire, déconnecter la sphère politique, ça peut mériter plein de débats, mais le fait que ça ait que ça ait muté vers quelque chose comme ça de complètement consensuel, de dialogue social, dans le meilleur des cas, d'exiger des petites réformes, c'est clairement une dégénérescence, quoi, du syndicalisme originel, enfin du syndicalisme tel qu'il était majoritaire au début du XXe siècle. Et juste, je vais en profiter que le camarade de Violet est toujours occupé. Je citais une référence aussi à un moment tout à l'heure quand il s'agissait pour une proclamation de la CGT, donc de 1908, de lancer une grève générale révolutionnaire en cas de guerre. Ça, donc, je l'ai trouvé dans un livre qui s'intitule « Trop jeune pour mourir », qui a été écrit par Guillaume d'Avranches, qui milite à Alternative Libertaire, qui a sorti un livre vraiment passionnant il y a un ou deux ans. Le sous-titre, c'est « Ouvriers révolutionnaires face à la guerre ». Et ça montre toutes les tentatives pratiques et théoriques qui existaient pour empêcher la guerre, pour la contrer, pour la saboter et pour maintenir l'unité des travailleurs, quel que soit leur pays. Voilà. Bon, on sait que ça a échoué, hein, mais c'est quand même intéressant de voir à quel point les idées révolutionnaires étaient largement répandues dans la société à l'époque, et à quel point ça y allait, quoi. On pourra développer une autre fois, mais. Voilà. Puisqu'on en est dans les livres, le chat demandait des biographies, des livres à lire sur les sujets qu'on a abordés. Alors le problème, c'est que en fait, il y a très peu de choses vraiment intéressantes qui soient pas vraiment des monographies précises sur un micro sujet précis. Donc la liste serait vraiment très très longue. Je vais quand même reprendre pour l'international situationniste. J'avais cité le bouquin de Grell Marcus, Leipzig Traces, qui fait un parallèle donc entre le mouvement Dada, les situationnistes et le mouvement punk. C'est pas forcément le plus carré, mais c'est certainement le plus agréable à lire, donc aux éditions Alia, Grell Marcus, Leipzig Traces. Et pour ce qui est des gauches communistes, aussi appelées ultra-gauche, il y a un livre, gauchisme pour Lénine, il y a un livre très intéressant qui est une réunion de conférence d'un membre de la gauche communiste française, Roland Simon, édité par les éditions Sansevero, les éditions de théorie communiste, le groupe auquel appartient Roland Simon, qui s'appelle « Histoire critique de l'ultra-gauche », sous-titré « Trajectoire d'une balle dans le pied », donc le sous-titre est assez drôle, et voilà, donc dans lequel il revient sur un certain nombre de choses que j'ai dit aujourd'hui. Il parle beaucoup de l'international situationniste et de ce c'est du mouvement Paris. Il parle aussi des gauches communistes germano-hollandaises et italiennes. Et alors sur Internet, alors ça j'ai pas l'adresse en tête, mais il y a une très bonne histoire du bordiguisme que je pourrais vous linker éventuellement. Il y a un événement Facebook en fait de Socialisme au Borborisme, si vous le cherchez. On pourra poster plein de références. On pourra poster les références dessus. Il y a des sources internet très bien. D'ailleurs, il y a le site Bataille Socialiste qui référence beaucoup de textes de l'ultra gauche. Surtout, il y a marxiste.org qui référence tout le monde, y compris la gauche communiste. Et puis ensuite, il y a les choses plus. Plus pointu, plus Radio Vostani qui référence beaucoup de choses qui se raccrochent à l'ultra-gauche. Je mettrai des liens sur l'événement Facebook de l'émission d'aujourd'hui vers ces sites qui vous permettront de pouvoir bouquiner tranquillement chez vous sans avoir à acheter des livres, parce que je sais pas vous, mais moi c'est acheter des livres ou manger, donc j'aime bien manger. Pour revenir sur le bouquin que je citais là, Trop jeune pour mourir, sur l'histoire donc du syndicalisme et du mouvement ouvrier et révolutionnaire face à la guerre. Ouais, il est chez Libertalia, mais sinon effectivement il y a des conférences audio qui se trouvent sur internet, notamment sur le site de Libertalia. Donc l'auteur c'est Guillaume d'Avranches. Voilà, Trop jeune pour mourir. Bon, le bouquin circule énormément, il se trouve en bibliothèque, hein, mais à défaut, il y a des conférences audio où il s'exprime très bien. Ouais, mais ça me rend un peu triste que ce soit Libertalia, parce que Libertalia est une allusion explicite à une utopie pirate inventée, par contre. Hein, elle est pas réelle, mais inventée par Stevenson. Et on devait parler de la piraterie. Le problème, c'est qu'il est déjà 22h08, que mon camarade Guy Edern a une vie, moi pas, mais voilà, mon camarade Guy Edern a une vie, ça reposait surtout sur lui. Donc on va sans doute devoir remettre la question de la piraterie à la semaine prochaine. Alors, il n'y a pas grand chose en français, hein, d'ailleurs, sur la piraterie. Si vous voulez vous renseigner d'ici là, en français, je crois que la meilleure source de loin, ça restera Marcus Rediker. pirates de tous les pays, l'ouvrage qu'il a écrit avec Lindbergh aussi, L'hydre aux mille têtes, qui parle pas spécialement de la piraterie, mais qui parle du capitalisme naissant des grands royaumes atlantiques qui étaient la France et l'Angleterre, surtout l'Angleterre, et donc du prolétariat maritime de cette époque-là, des navires de cette époque-là. Puis bon, évidemment, il y a le petit fascicule de Do or Die, voilà, sur la piraterie. Mais bon, c'est plus un ouvrage militant, donc c'est plus à prendre avec des pincettes. Hein. Par contre, Rediker, lui, se définit comme anarchiste. Il est politisé, mais c'est en tant qu'historien. A écrit aussi sur la piraterie. Ouais. Oui, Akinbay a écrit sur la piraterie aussi. Ouais. Pareil, pas lui, cité, pareil, ouais. c'est plus un ouvrage militant, alors que voilà, Rediker se situe politiquement lui-même comme étant anarchiste, même si, à mon avis, il doit beaucoup au marxisme. Hein, quand on lit L'hydre aux mille têtes, notamment, c'est assez clair. Mais c'est en tant qu'historien qu'il a travaillé la question. C'est un des premiers à l'avoir fait. D'ailleurs, il raconte dans un de ses ouvrages que quand il a commencé à présenter son objet d'étude à l'université américaine, les gens le regardaient avec des grands yeux en disant « mais c'est pas un objet d'étude, c'est pas sérieux ». Et il a fait partie des quelques personnes qui ont transformer la piraterie en objet d'étude sérieux, notamment, comme je le disais sur le chat dans l'émission de Barbossa, parce qu'on a retrouvé des chasse parties. Les chasse parties, c'était les contrats que passaient les navires pirates à l'époque de l'âge d'or de la piraterie, donc au début du XVIIIe siècle, et qui étaient des contrats qui prévoyaient notamment la distribution des parts, et qui prévoyaient une assurance maladie, voilà, une indemnité pour les mutilations, par exemple, ce qui était très courant à l'époque où les bateaux avaient des cordages, évidemment. Et une retraite aussi, enfin, et où voilà, la distribution est extrêmement égalitaire. Hein. Dans la marine marchande comme dans la marine militaire, à cette époque-là, les marins étaient payés quand ils étaient payés au bon vouloir de l'armateur. C'était des esclaves de fait, en fait. Même leur paye officielle était, je sais pas, 100 fois, 300 fois plus faible que celle de leur capitaine, alors que sur un navire pirate, ça va simplement du simple au double. C'est-à-dire que même un mousse touchait une demi-part, et on ne restait pas mousse longtemps, un marin touchait une part, un officier touchait une part et demie, et le capitaine touchait deux parts. C'est ce qu'on a sur les chasse-parties qu'on a retrouvées. Donc voilà, c'était vraiment là-dessus, bon, très rapidement quand même, un petit point. Là, quand on parle de piraterie, on parle de beaucoup de choses différentes, comme c'est un petit peu toujours le cas en histoire. Comme l'avait démontré le très grand historien Moses Finlay dans son ouvrage Le Monde d'Ulysse, par exemple, la société grecque pré-archaïque, c'est-à-dire la société grecque des âges sombres, les aristocrates vivaient de piraterie, donc c'était, voilà, on était chef de cité et pirate. Il y a eu aussi une piraterie issue de la pègre, par exemple la renarde rouge, la fameuse reine pirate chinoise venait de la pègre, et puis il y a eu une piraterie issue du prolétariat maritime organisé, comme c'était le cas au XVIIIe siècle, et comme dans une certaine mesure, c'est partiellement le cas dans la piraterie somalienne. Bon, maintenant, c'est plus en Somalie que ça se passe, hein, de l'autre côté de l'Afrique maintenant, puisque la Somalie s'est complètement quadrillée du côté de la côte ouest, Cameroun, etc. Où, voilà, c'est un prolétariat, pas un prolétariat maritime organisé, mais un prolétariat rural organisé, très souvent, même si il est parfaitement plausible qu'il y ait eu, vu la somme qu'avait réussi à se faire le tout premier navire pirate en Somalie, qu'il y ait eu une pègre locale qui se soit greffée dessus pendant un temps. Donc voilà, on abordera ça un petit peu plus précisément, et notamment la partie contemporaine, la semaine prochaine, du coup. Parce que la partie contemporaine, c'était vraiment Guy Adarne Albor qui voulait présenter ça. Donc comme on disait, il a une vie. Hein. Tout le monde n'est pas un no-life comme moi. Et donc voilà, pour la piraterie, en tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Quant à la pornothéologie, alors du coup, on en a parlé avec une des copines d'Objectif Q qui est dans le studio. Et on s'est dit, après tout, l'idée c'était de leur faire un clin d'œil, vu que j'en avais parlé le lundi dernier, mais pourquoi pas carrément venir lire l'extrait plutôt à Objectif Q, c'est plutôt là à la place. Donc du coup, je ferai une intervention masculine à Objectif Q de 10 petites minutes avec ça. Oui, non, mais c'est tout à fait, mais vous avez, mais c'est un vrai problème, effectivement, et c'est pourquoi je Je ferai très attention et je serai. Les filles savent se défendre, hein, merci pour elles. Elles feront aussi très attention à pas me laisser déborder et à partir dans mes digressions éternelles. Je passe d'ailleurs le micro tout de suite à Hippo. Hein. Oui, c'est juste pour dire à Po Coupou que je sais pas comment ça se prononce. Cool. Que bon, on est des filles dans le studio et Neko parle beaucoup, mais tu n'es peut-être pas là quand elle parle. Et elle reprendra tout à l'heure l'antenne. Donc ne t'inquiète pas, les filles sont là. Et on essaye, mine de rien, au niveau de la parité, on essaye de respecter le temps de parole homme-femme. Parfois c'est compliqué, mais on fait notre mieux, promis. Puis après, quant à moi, là, je plaide coupable, je suis un grand bavard. Voilà, puis je... Mais je sais très bien que les filles savent se défendre, donc je me fais pas trop, j'ai pas trop peur par rapport à ça lundi. Hein. Si je déborde, elles me prendront le micro et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, puis, j'essaierai de faire rapide de toute façon une petite présentation de 2 minutes et une petite lecture de 5. Hein, voilà. On fait gentiment nos adieux. On va faire gentiment nos adieux, tout à fait. On va les faire en musique d'ailleurs. Hein. Alors, voilà, oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine à 18h toujours, où on parlera de la Révolution allemande, des gauches communistes. Et germano-hollandaise. Germano-hollandaise. La semaine prochaine. Et, attends, j'avais mis le... Ah d'accord, c'est calé en fait. Ouais. Si tu veux. Et aussi de la piraterie originelle et contemporaine, la piraterie... originelle, non, au 18e siècle, ça fait longtemps que la piraterie existait, hein, mais... Ce qu'on a appelé la piraterie. Voilà. Enfin voilà. Et on vous embrasse. Hein. Pour retrouver les références, donc allez sur l'événement Facebook Socialisme ou Borborigme. À partir de demain. Hein, espérons que vous arriverez à le retrouver normalement. Voilà. Voilà. On essaiera de le mettre sur Twitter aussi avec le hashtag Radio Croco. Enfin voilà, vous arriverez à retrouver notre trace quelque part. Tout à fait. Voilà. Et on se quitte en musique. On vous fait plein de croco bisous, les croco lapinous. Et puis, on va laisser l'antenne à Neko, ah, oui, qui va mouiller le maillot un peu. Bah oui, on est comme ça, nous, sauvage. T'as le temps d'un peu de musique. Hein. Ouais, t'as le temps, on met un morceau. Hein. On met un morceau, pas de panique. Voilà, et à samedi prochain. Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les portes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. La tour Eiffel la chaud au pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Toutes les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans dieu, sans maître, auto-gestionnent la cité. Il est 5 heures. Donc vous êtes toujours sur Radio Croco. Bon, on vient de vous dire on vient de vous dire au revoir, mais c'était Véronique Ashloum, donc toujours la même compilation que tout à l'heure de ici, donc la compilation qui s'appelle Pour en finir avec le travail. Oui, j'appelle ça une compilation parce que les interprètes sont variés, quoi. Et donc disque qui s'appelle Pour en finir avec le travail et qui était édité par le Comité pour le maintien des occupations, et ça date de 68. Voilà. Si vous voulez, je peux mettre une musique pour que vous ayez le temps de reprendre votre souffle. Et... C'est comme tu veux. Sinon, j'ai un petit machin. Balance. On se fait. sur Radio Croco, la radio qui a carrément les crocs. Oui, alors, tout le monde se fiche de ma tronche dans le studio parce que je me suis craqué lamentablement en coupant la musique alors que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Alors j'ai eu un appel pour lire un petit bout, enfin justement un appel à prendre part à une campagne anti-répression internationale en juin 2016. Je pense que je vais vous le lire effectivement si c'est effectivement ce que vous voulez. On entend. Oui bah. Ah c'est. On fait Radio Croco est un petit peu. Des doublements de personnalité régulièrement, hein, vous commencez à avoir l'habitude, entre le micro qui est pas géré par celui qui est au clavier, tout ça. Mais bon, hein, c'est ça aussi qu'on aime dans Radio Croco, c'est qu'elle n'a pas une seule tête. Pardon. Non, mais t'excuse pas, au contraire, c'est bien, ça rend les choses vivantes, etc. D'ailleurs, maintenant, on a plusieurs micros, on peut toutes s'exprimer à la fois si on veut. Et c'est ça qui est beau. Donc, oui, on entend. Mais est-ce que vous voulez m'entendre lire encore? Parce que, visiblement, j'en ai déprimé plus d'un déjà, effectivement, en début d'après-midi, entre 14h et 16h, entre les poèmes, qui n'étaient pas très déprimants pour le coup, mais surtout l'article sur, effectivement, les conséquences que certains médics ont pu constater entre l'utilisation des lacrymos et des violences, hein. Ça a été visiblement assez. Qui sait? À ton avis, qui sait? Au clavier ou au micro? Parce que non, fallait la laisser deviner. Mais c'est pas grave, de toute façon, la nuit, tous les nécos sont gris, donc. Ah, je suis trop cool. C'est que je commence à être habituée, hein. Ça va faire presque pile une semaine que je n'arrête pas de prendre le micro à votre grande âme. Bravo pour ta joie, Neko. Ah ouais, pourtant c'est pas faute qu'on essaye de me l'entamer ces derniers temps, hein, mais bon. Ouais, Neko, c'est chat en japonais parce que il paraît que j'ai des réactions de chat. Alors je sais pas si c'est parce que je remue la truffe ou si je me passe la marque derrière l'oreille, mais il paraît que c'est des trucs comme ça. Bon, on va dire. Bon, donc, vous ne m'avez pas répondu du coup si vous vouliez que je vous lise un petit texte de ma voix suave et sexy, hein? Parce que il est 22h30, j'aimerais pas vous endormir non plus, hein, parce qu'on peut vous mettre de la musique aussi si vous voulez. On peut tout faire. Bon, visiblement, Radio Debout reprendra probablement l'antenne à un moment ou un autre, peut-être. Mais avant que vous gueuliez tous, hein, petit croconaute averti, sachez que faut pas leur jeter la pierre non plus, hein. Ils sont dans une lutte un peu différente, c'est sûr. Ils ont pas les mêmes enjeux que les nôtres. C'est une association qui est, elle, toujours à visage découvert, et c'est très louable de leur part. Ils n'ont pas le même climat exactement, ils n'évoluent pas dans les mêmes sphères, etc. Pour le coup, j'arrête pas de dire etc, faut que j'arrête. Il y a plein de choses desquelles ils sont pas au courant, ils ont pas été en contact, ils sont pleins de bonne volonté, mais effectivement, il y a des choses qui leur manquent. C'est pour ça qu'on a envoyé un croco-reporter, effectivement, un peu débriefé, et c'est de notre faute de pas l'avoir fait avant. On s'excuse platement auprès de vous, auprès d'eux, et tout ça. Donc j'ai vu ce que vous aviez pu dire sur le chat, hein, et puis j'étais présente aussi hier soir quand ils ont pris l'antenne, hein, c'est avec moi qu'ils ont des contacts pour échanger un petit peu sur les choses en direct. Donc vous les déniaisez. Oui. Bon, non, ils sont pas si niais que ça, c'est juste. Ouais, non, c'est ça, ils sont dans une autre forme de lutte, et ces deux luttes sont complémentaires. C'est eux, ils sont justement une voix un peu plus publique que la nôtre, parce que même si on tourne à 127 écoutes ce soir, eux tournent à beaucoup plus vu qu'ils ont droit à la FM et ce genre de choses, alors que nous, on n'a pas encore la FM pour le moment. Mais oui, non. Je vais arrêter de prendre des voix suaves et me reprendre un verre de vin pour pouvoir vous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Alors, mais oui, vas-y, pisse à cause de révolution, moi je veux bien. Bon, 100.3 pour... Ah ouais, si seulement, si seulement. Donc, sur ces entrefaits, pour rester poli, une petite lecture de fight contre la répression, parce que c'est ça qui nous motive, qui nous rend toujours déter, et c'est pas pour rien qu'on est Radio Croco, la radio qui a carrément les crocs. Alors... Ceci est un appel à prendre part à une campagne anti-REP internationale en juin 2016. Trois mois. Près de trois mois déjà que le projet de loi travail et le gouvernement socialiste ont vu émerger face à eux un mouvement sans précédent sous la France de l'état d'urgence. Nouvelle étape dans la précarisation avancée du travail. Le projet vise à supprimer les accords de branche. Comprendre, chaque entreprise négociera directement ses conditions de travail. Chaque personne se retrouvera seule face à ses patrons, isolée dans un perpétuel chantage à l'emploi. Contrainte d'accepter de travailler 12 heures par jour. De voir la rémunération de leurs heures supplémentaires réduite. Des diminutions de salaire et des indemnités de licenciement. Dans un contexte d'austérité économique, d'horreur sécuritaire et de rejet de la casse politique par une partie de plus en plus large de la population. Alors, bien sûr... Ah, des problèmes techniques. Excusez-moi beaucoup. Je passe les problèmes techniques. nouvelle étape dans la précarisation avancée du travail. Le projet vise à supprimer les accords de branche. Donc oui, non, ça, c'est, excusez-moi, en plus je perds mes lignes. C'est... insupportable, lynchez-moi. Alors, dans un contexte d'austérité économique, d'horaires sécuritaires et de rejet de la classe politique par une partie de plus en plus large de la population, la réponse de la rue ne s'est pas fait attendre. Jusqu'à contraindre deux mois plus tard, un gouvernement aux abois a passé en force et sans délai la loi à l'aide de l'article 49.3. Sachant qu'il pensait aussi le recourir encore une nouvelle fois pour la même loi au 49.3. Hein. On n'en a pas parlé ça étrangement. Car dès le 9 mars, les journées d'action s'enchaînent, bravant à leur façon l'état d'urgence en réinstallant l'urgence sociale en tête de cortège. Manifestations lycéennes le matin, manifestations syndicales l'après-midi, blocage de gares, de ports, de marchandises, manifestations... Bon, je n'aime pas le terme sauvage, je dirais spontanée plutôt. Donc manifestations spontanées nocturnes. Mais l'état d'urgence s'accommode mal des revendications sociales. Chaque semaine de lutte a eu son contingent d'arrestations, d'incarcérations, de mutilations. L'arsenal militaro-policier a renvoyé aux oubliettes les vieux principes du maintien de l'ordre au profit d'une guerre de basse intensité. Peine de prison ferme pour des jeunes sans casier, garde à vue à la sûreté territoriale de lycéens mineurs après les incendies de poubelles, inculpation pour tentative d'homicide pour une simple rixe dans un... avec un gradé et une bagnole de flics brûlés, à Nantes et à Paris. Crâne ouvert, os brisé, oreilles défoncées, yeux crevés, genoux pétés, commotion ou vraie fracture. Les manifestations, oui, se sont peu à peu transformées en scènes de guerre. Mais la mobilisation n'a pas décru. Toujours plus déterminée contre cette loi et son monde, elle a fait tomber les derniers masques pseudo-démocratiques derrière l'arsenal policier déployé. Seule stratégie du gouvernement en guise de négociation. La répression massive, générale, totale. On met en garde à vue pour avoir un blocage de lycée. On force les portes de locaux syndicaux remuants. On condamne à l'appel des contestataires sans autre fait avéré que des PV policiers mensongers pour avoir porté un blouson ou un caouet noir dans une manif un peu agitée. Isolés et instaurés la peur, blessés et terrorisés. Peur d'une grenade explosive, de se faire mutiler, tabasser, et toujours plus présente à mesure que le gouvernement fulmine contre celles et ceux qui, malgré tout, ne rentrent pas dans le rang. La peur ne se fait pas arrêter, juger, incarcérer, pour s'être protégé, avoir dans son sac un masque, un parapluie ou du sérum phi. Notre réponse à cette répression, qui brise les vides de quiconque exprime son mécontentement, ne peut qu'être politique. La solidarité sans faille est notre seul moyen. Car à la répression générale, le mouvement a répondu par une ascension continue des techniques d'auto-organisation. Autoprotection, dans les cortèges de tête sans étiquette et toujours plus massifs. Autosecours, équipe médique formée allant en devant des blessés. Autodéfense juridique, avec l'action des caisses de défense collective. Qui, comme à Paris avec le DEFCOL, permet à qui le souhaite d'être défendu par des avocats sur une ligne de défense politique et solidaire. Mais les procès pleuvent. Les caisses sont vides. pour que l'auto-organisation se poursuive, afin de défendre et relever ceux et celles qui tombent, il y a urgence à ce que tous les collectifs mobilisés en France comme à l'étranger mettent en place des collectes, des initiatives de soutien à toutes les victimes de la répression policière. C'est pourquoi nous appelons à un concert de soutien en juin 2016, dont tous les fonds seront reversés à la Caisse de défense collective parisienne pour supporter les frais de justice des camarades poursuivis. La solidarité est notre âme, la liberté notre crime, anti-répression partout, concert génial. Bon, et bah effectivement, oui, bon, après, nous aussi, on organise un petit peu des concerts un peu tout le temps, qui sont sur une... Pardon, oui, mon téléphone, oui, oui. Oui, oui, oui, non mais... Ah, radio, d'accord. Alors, on me dit qu'effectivement, Radio Debout attend pour prendre l'antenne. Mais il va falloir qu'il nous donne une heure. Je viens de t'attendre à l'antenne, merci. Je ne comprends pas. Je vais devoir passer le micro pour pouvoir faire de la gestion. Ou alors vous passez une petite musique. Tiens, qu'est-ce que vous pourriez aimer entendre là tout de suite? Oh, je sais. Un truc qui correspond parfaitement. 16, jeunesse, lève-toi. Ah non, par contre, je fais des bêtises, par contre. Je mets ça en version courte. Mais non, non, en fait, c'est bon. Non, excusez-moi, hein, la fatigue, tout ça, tout ça. Je vous laisse avec 16. Des plein de croco-bisous. On vous kiffe. Un éclat de rire vient consoler tristesse. Comme un souffle à venir vient raviver les princes. Comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'éteint. Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas. Contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Moi, contre ton épaule, je repars à la lutte. Contre les gravités qui nous mènent à la chute. Faire du bruit encore à réveiller les morts. Pour redonner éclat à l'émeraude en toi. Pour rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore. Cet espoir que tu tiens parce que tu n'en sais rien. De la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi. Quand tu vois comme on pleure à chaque rue sa peine. Comment on nous écœure, perfusion dans la veine. Allons, du faisceau, mon vieux, tu m'auras plus. Ami, dis quand viendra la crue. Contre-courant, toujours sont les contre-cultures. Des émissions, leur gueule de vie d'ordure. Puisque son est sonné la mort du politique. L'heure est aux rêves utopiques. Pour faire nos ADN un peu plus équitables. Pour faire de la poussière un peu plus que du sable. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre. Faudra tuer le père, faire entendre ta voix. Jeunesse, lève-toi. Au clair de lune indien, toujours surfer la vague. À l'âme, au creux des reins, faut aiguiser la lame. Puisqu'ici, il n'y a qu'au combat qu'on est libre. De ton triste sommeil, je t'en prie, libère-toi. Puisqu'ici, il faut faire bilan et du chiffre. Sont nos amours toujours au bord du précipice? N'entends-tu pas ce soir chanter le chant des morts? Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts? Jeunesse, lève-toi. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse. Comme un souffle à venir vient raviver les princes. comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Quand plongé dans le gouffre, on sait plus où est l'âme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui nous perd. Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, puis qu'on enterre. Contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Jeunesse, lève-toi. Et vous êtes toujours sur Radio Croco, la radio qui a carrément les crocs. Alors... qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter, hein, pour le coup. Alors, ah oui, si. On me demandait tout à l'heure un petit peu ce qui allait se passer dans les jours à venir. Alors, dans les jours à venir, déjà ce soir, de ce que j'ai compris, il y a un concert à la Maison du Peuple. Donc, ramenez vos fesses pour bouger au rythme de la musique. Demain, que ce soit à la radio, je crois qu'on a une émission, justement l'émission féministe dirigée par le comité féministe de Rennes 2 qui se passe. Et on a aussi la guinguette qui, dans le meilleur des cas, se déroulera à la Maison du Peuple. Donc, restez à l'écoute pour toutes les informations. Lundi, nous avons aussi les commerçants qui organisent un pique-nique devant la mairie et qui, organisent un pique-nique devant la mairie. Non pas pour soutenir la mairie, mais au contraire pour les engueuler un petit peu sur ce qui se passe en ce moment, parce que eux se sentent pris en otage par les policiers et non pas par les manifestants. Au contraire, c'était les premiers à signer un manifeste qui était pour la Maison du Peuple, hein, car ils soutenaient pas mal, ça redonnait de la vie sur la place Sainte-Anne, ce qui manque un petit peu, hein, on en a parlé un petit peu dans l'émission Bitume qui s'est déroulée la semaine dernière, qui parlait effectivement du plan d'urbanisation du centre que notre chère maire a mis en place. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, hein, vous ne l'avez peut-être pas écouté, mais il sera soit possible de l'écouter en replay plus tard, quand notre magnifique comme on dit dans le milieu, nous aura fait un magnifique SIC informatique où on essaiera de s'arranger pour pouvoir vous mettre en replay des émissions qui seront passées sur Radio Croco. Mais comme nous l'avons enregistré déjà, on pourra vous le repasser aussi à l'antenne quand le temps le voudra. Surtout, hein, ça va être surtout ça. Alors, il me semble aussi que le 6, nous avons une marche, la marche des fiertés qui se déroulera aussi à Rennes. Je crois que c'est le 4 plutôt. C'est le 4 je ne sais plus. C'est le 4. Effectivement, donc la marche commence à 14h de Charles de Gaulle, comme les années précédentes. Hein, pour le coup, j'y ai participé, donc j'ai vu un petit peu comment ça se déroulait. L'ambiance est tellement géniale. Franchement, ça vaut le coup d'y aller, ne serait-ce que pour faire la fête et revendiquer un petit peu nos droits et nos différences, comme dirait l'autre. Ouais. Et la nuit, il y a la Nose Pride. Alors, je sais plus à quelle heure c'est, à minuit, c'est je crois. C'est de 23h à 4h du matin au Liberté. Ouais, c'est une sorte de fest nose LGBT, ça envoie, c'est trop bien. J'ai une anecdote qu'on m'a racontée à l'oreillette qui n'a aucun rapport avec la Pride. C'est sur Besancenot. Je peux la raconter ? Mais où ? Ok. Donc, Olivier Besancenot est venu à Rennes pour faire je sais plus quoi, pour parler de la loi travail, je crois. Non, pour la fête anticapitaliste. Il était au Carrefour 18, c'est à Henri Fréville, une salle. Et il est arrivé avec du retard parce que pénurie d'essence. Et comme il devait prendre absolument un train, il a pu rester que 30 à 45 minutes en s'excusant platement. Voilà. Et il y a eu pas mal de policiers déployés aussi, paraît-il, dans les alentours pour éviter une manifestation sauvage, spontanée, quoi. Mm-hmm. Voilà. Oui, vas-y. C'est tout. C'est tout. Oh, je me suis pas présentée. Je suis un droïde pas content. Les gens du chat me reconnaîtront. Mangeur de béton dit qu'il est déçu parce qu'il croyait que t'allais raconter son anecdote sur les pingouins. Quoi? Ah, va falloir que tu nous racontes, hein, parce que là, non, ça ne peut plus. Alors, ça ne peut plus rester. Sur les pingouins. Merde. Canide, arrête de parler. Ça y est, on a perdu l'anecdote sur les pingouins. Rien ne va plus sur Radio Croco. Non, quand les pingouins se serrent sur la banquise, la température peut monter ultra haut. Par contre, tu peux pas nous dire à combien. À 49,3, trop lolol. Merci Arcanide. Voilà. Android, pas content. J'espère que vous êtes heureux de savoir ça. Je crois que tu as été grillé. Hein, vénère de mes deux, hein. Je suis désolée, hein, mais ton identité secrète a été dévoilée. Oh là là, mince, j'avais une blague sale dans la tête qui m'est passée d'un coup là, et puis maintenant j'en ai trop dit, donc je vais être obligée de la dire. On fait entendre. Est-ce que quand tu mouilles, tu rouilles? À la vache. Elle était mauvaise. Alors moi j'allais reprendre le micro innocemment pour dire que si vous voulez parler d'animaux, vous pouvez demander à Hippo parce que elle est absolument fan d'hippopotame et peut vous en parler pendant des heures, et moi je peux parler d'animaux pendant très longtemps aussi, donc si c'est ça le thème de ce soir, allez-y. Ouais, moi je voulais dire, elle peut pas, enfin quand elle mouille, elle rouille pas parce qu'elle a toujours du lubrifiant sur elle. C'est vrai, le lubrifiant. Ouais. N'oubliez pas le lubrifiant. Mais les pauvres, j'ai l'impression que presque tous les soirs on leur raconte ça. Et... Parce que vous savez que maintenant on leur rappelle quasiment tout le temps au fil de la journée qu'il faut du lubrifiant et se protéger. Ah c'est bien, on a fait notre boulot là. Parce que oui, pour ceux qui ne nous suivraient pas depuis très très longtemps, nous avons avec la pauvre petite Neko, les deux magnifiques présentatrices d'Objectif Q, oui. Qui refont... Moins que moi, hein, mais oui. Et qui sont en train d'admirer leurs poils aux aisselles. Mm-hmm. C'est bravo. On fait un concours au niveau de la longueur, mais c'est moi qui gagne en fait. C'est magnifique. Donc oui, donc ils nous... des challengeuses se présentent dans l'arène. Faudrait prendre un mètre pour mesurer, mais bon. Donc c'est difficilement descriptible à la radio, hein, c'est ça qui est dommage, hein, mes pauvres petits os. Mais oui, du coup, et donc qui feront, enfin vous ferez aussi une émission lundi soir, du coup. Oui. Un petit moment de doute, genre. Au fait, oui, parce que vous étiez censé ne pas en faire cette semaine, et finalement, par un heureux hasard du destin. Heureux hasard du destin qui s'appelle Neko et qui me dit tu viens ce soir, hein, tu viens, on est dans la merde, viens. Et des deux qui. Et en plus, qui vous a mis dans la merde, hein, la même, hein, qui vous avait annoncé le matin même, et du coup, obligé de venir. Mes pauvres cocottes. Sinon, donc, on peut parler des canards, oui. Parler de canards, pourquoi pas? Est-ce qu'on parle de la culture du viol du canard qui fait que ça... Non, plutôt de sa queue extensible en tire-bouchon, magnifique. Je voulais en venir à là, parce qu'il y a une culture du viol chez le canard, que ça en devient oui, carrément génétique, puisque... Plus que chez le dauphin qui viole même les requins et les humains. Écoute, les canes ont un vagin en labyrinthe. Pour comme ça, elles ont pas des petits de n'importe quel mâle qui les viole. Ah, c'est pour te dire. Ah ouais, c'est chaud. Mais c'est en fait les histoires de pénis et de reproduction chez les animaux. Je trouve qu'il y a toutes les inspirations pour les films d'horreur imaginables. Entre les bites avec des pics faits exprès pour transformer les vagins en tartare pour pas qu'elles aient envie de se faire De poulpe. Ah oui, je suis absolument fan de poulpe. Hein, voilà. J'ai des passions dans la vie présentement. Faut placer Star le contexte. Wars et les poules. Voilà, voilà. Donc ouais, entre les bites à pic, histoire de charcuter les nanas, enfin les femelles. Genre les chats. Ouais, genre les chats, ouais. Les lions qui sont obligés de mordre la femelle pour qu'elle tienne en place parce qu'elle a juste trop mal. Et franchement, si vous avez rien d'autre à faire, tapez pénis d'animaux sur Google et c'est dégueulasse. Les pénis de tortues. Les pénis de tortues. Ah, il y a des animaux qui ont deux pénis aussi. Enfin voilà. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on parle d'animaux parce que vous savez que les femelles hyènes ont un sexe qui s'apparente à un pénis. Oui, c'est un clitoris pénis. Ouais, et je vous invite à regarder une chaîne qui s'appelle sur YouTube Castor Mother. Attendez, je vais vous l'écrire en même temps. Oui, le pénis d'un croco, c'est magnifique. Castor Mother. Qui a fait une vidéo sur les hyènes, justement. La gynocratie, c'est vraiment un truc de mec. Eh ben, on va enchaîner sur une petite chanson. Ouais. Qui est bien misandre. Ah ouais, tiens. Et qui s'appelle Je vous déteste les hommes. Tiré d'un film qui s'appelle La Vénus aveugle, qui est très très bien, mais je ne l'ai jamais trouvé en entier. Donc si quelqu'un sait où le trouver, où je pourrais voir la deuxième moitié du truc, j'aimerais bien, ce serait cool de mettre le lien. Alors je meuble. On cherche. Hein. En attendant. La deuxième. Voilà. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je ne veux plus entendre le son de ta voix. Tu es mort pour moi en même temps qu'elle. Pars, Madère. Mais ta page n'aime pas les hommes qui pleurent. Il ne te reconnaît pas lui non plus. Tu n'es plus chez toi. Va-t'en. Va-t'en. Ne me touche pas. Surtout ne me touche pas. Va-t'en. Tu vois bien, je ne pleure même pas. Va-t'en. C'est une femme unique. J'ai voulu la remplacer pour ce soir. Elle a refusé. J'en suis baba. Si elle a besoin de moi, son chagrin, je suis là. Tu t'es pas regardé, non? Je vous déteste, les hommes, pour vous que sommes-nous ensemble, une pauvre chose qu'on nomme, une bête à plaisir, jamais chez vous un seul geste, une attention la plus modeste. Méprisez tout du reste pour mieux nous avilir. Et quand je chante, je pense à vous dont je me balance. Mais vos affronts, vos offenses se brisent sur notre fierté. Je vous déteste. Les hommes, toujours, toujours pour vous nous sommes, l'éternelle bête de somme, depuis l'éternité.

toujours sur Radio Croco, la radio qui a les crocs. On s'est fait envahir par deux hommes. Notre petite utopie féministe n'aura duré que très peu de temps. Ouais, on est très très triste. Ouais. Donc à l'antenne, vous avez toujours des deux, le droïde qui ne rouille pas quand elle mouille parce qu'elle met du lubrifiant. Et sur la suggestion de Arca, on va vous mettre une autre version de Carmen. Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas tout de suite. Alors, Arca, nous te détestons. Vous êtes toujours sur Radio Croco, la radio qui a mal au tympan. voilà, on est un petit peu déconcentré là. Je dois meubler parce qu'il y a actuellement un micro planté sur ma face, autre que celui dans lequel je suis en train de parler, car nous avons de la visite ce soir. Je ne vous en dis pas plus. Est-ce que tu peux, ou si tu veux, tu peux parler un peu. Ouais. Ok. Alors, je te file le micro. Alors, qui es-tu et que fais-tu ici? Bah, je suis journaliste et on m'a donné l'autorisation de venir de façon discrète ici dans les studios de Radio Croco pour voir comment ça se passait, ce que vous y faisiez, etc. Donc j'essaye de faire des images de plans d'écran, de pas filmer les visages, de filmer vos... Il va flouter les pseudos et les images qu'on peut voir sur le chat, hein, vous inquiétez pas. De filmer les bonnettes de micro et les mains non manucurées des animatrices. Oh, merci. On part sur un petit débat sur la féminité ou... Allez, c'est parti. Oui, excuse-moi, j'étais en train de lire le chat en même temps, voir s'il y avait des réactions à ce qui venait d'être dit. Mais donc voilà, il y a eu un petit reportage de fait. Donc en ce moment, à la Maison du Peuple, il y a un concert. Ah, oui. Un DJ. Donc qui passe du son, apparemment ça se passe bien, le son ouais, est bon. Il y avait Daddy Cool il n'y a pas si longtemps, les punks se trémoussaient, c'était vraiment la fête. Trop bien. Alors oui, lundi à 17h, place de la mairie, il y a une action des commerçants, c'est ça? Oui, les commerçants en ont marre de sentir... pris en otage par les policiers. C'est ça, en fait. Et donc, ils vont aller organiser un pique-nique lundi après-midi à 17h devant la mairie. C'est plus un apéro, du coup. Oui, ce soir. Enfin, eux, ils appellent ça pique-nique. Mais on sait très bien comment se déroulent les pique-niques à Rennes. Bah oui. Non, on rigole. On est tout cœur avec eux parce qu'ils nous soutiennent beaucoup. Bah, on y sera surtout, nous. Ça tourne très très peu, hein, parce qu'on essaye de monter les commerçants contre les méchants casseurs, mais non, en fait, hein, les commerçants qui sont dans le centre même, à Sainte-Anne de Rennes, sont en fait très solidaires de la Maison du Peuple et des manifestants, et ça, je crois qu'on ne le dira jamais assez. Hein, Oui, contrairement à ce que disent certains médias... Voilà, hein, parce que concrètement, eux, ils ont eu des serveurs qui se sont pris des coups de tonfa, effectivement, dans les jambes, des gaz lacrymogènes qui ont envahi leur terrasse, qui ont fait fuir leurs clients. Et à part ça, les seuls casses, justement, qu'on a vus dans un reportage hein, qu'on a diffusé tout à l'heure, qu'on vous repassera et qu'on vous mettra à disposition quand vous voudrez, enfin, quand on pourra, surtout, mais effectivement, un commerçant disait que, oui, effectivement, il avait eu des casseurs, un tir de balle de défense dans sa vitrine. Super, on adore. Voilà, donc c'est vrai que... Les casseurs, pour l'instant, n'ont fait des actions que contre les banques, les grandes enseignes qui profiteront allègrement de la loi travail en licenciant sans avoir de besoins économiques réels. Et tout ça, donc bon... On peut rappeler aussi, pour la manif contre les violences policières, Cazeneuve qui avait invité les Rennais à fuir le centre-ville et qui avait carrément parqué la mairie le centre-ville, aussi, la mairie aussi. Du coup, effectivement, le centre-ville était désert. Il n'y avait personne, les gens avaient peur alors qu'il se passait strictement rien, que de toute manière les manifestants étaient bloqués à Charles de Gaulle et ne pouvaient pas du tout faire ne serait-ce que le moindre pâté de maison. Avec des barrières aussi hautes, de toute façon. C'est clair. On est agile, hein, mais monté par-dessus au nombre qu'on est à chaque manifestation, hein, parce que nous ne sommes pas que casseurs. Ils étaient vifs en lacrymo, mine de rien, à cette manif. Hein. Oui, et moi, ça me fait toujours beaucoup rire de rappeler que chaque palais de lacrymo qui nous balance coûte 25€ l'unité. Ah. Et ça, c'est quelque chose aussi. Et encore, je ne compte pas non plus le plein des hélicos qui tournent à chaque manifestation aussi. Alors, une petite question, les filles. Dans un pique-nique, on fait quoi? Dans un pique-nique, on pique et on nique. Si seulement. Ça sera un joli mais toujours protégé et avec du lubrifiant. Avec nos amis commerçants. Mais oui, parce qu'on les aime, on les crocolave eux aussi. Bon, bah alors, crocolons-vous, crocolons-nous, crocolons-vous-nous. Crocolons-vous-nous dans les bois. On avait dit donc lundi 17h. Voilà, lundi 17h, devant la mairie, avec du manger, du à boire. C'est ça, et on pique et on est tous devant la mairie. Pour leur rappeler qu'ils n'ont pas à nous. Comment dire? Nous criminaliser comme ça aussi, hein, et nous. Parce et que dès la prise de la maison du peuple, oui, tu me fais signe subtilement, mais je voudrais juste rappeler que même pas 40 minutes après la prise de la maison du peuple, notre chère maire a fait tout de suite appel au préfet pour pouvoir avoir recours à la force publique. C'est sympathique. Surtout que Solidaire a déjà commencé les démarches pour occuper légalement aussi la maison du peuple. Mais comme sans démonstration un petit peu de force, on nous écoute pas. Et en plus, ils ont envoyé la demande quoi, un quart d'heure après la réoccupation de la maison. Ouais, bon, les mecs, là... Non, mais du coup, c'est cool, j'en ai soutenu. Mais je pense qu'ils avaient déjà fait les démarches avant hein, d'essayer de réoccuper la maison du peuple de cette façon-là. Bon, bah, écoute, si c'est la seule façon dont on nous écoute, bah, tant pis, hein. Donc, oui, tu voulais me faire réagir par rapport au chat. Qu'est-ce que tu as bien pu lire de façon sauvage et... J'ai perdu la ligne. C'était encore notre bon ami Arca qui disait qu'il tenait à rappeler que les 300 000 euros donnés au CRS... ont été pour dépenser dans l'hypercentre, mais du coup je comprends pas trop. Oui, non, effectivement, apparemment, oui, il y a des fonds qui ont été débloqués par la mairie pour aider les commerçants. Mais du coup, c'était pas 300 000, c'était 350 000. Ah, je ne sais plus exactement la somme, mais je sais que les commerçants trouvent ça trop peu. De gratuité des transports et de je sais pas trop quoi, pour redynamiser l'économie de l'hypercentre de Rennes. C'est notre mère qui a dit ça ? Oui. Aurait-elle entendu notre voix ? Parce que je vous rappelle que l'action où nos 20 camarades qui sont inculpés aujourd'hui d'avoir mis de la mousse expansive dans des composteurs de tickets... présumés innocents. Je disais la mousse expansive, pour l'instant c'est une supposition, ils sont présumés innocents et considérés comme tels quoi, juste. Pour le coup, hein, cet après-midi je me suis penchée un peu sur la constitution de la loi française et des droits de l'homme, et effectivement hein, n'importe quelle personne mise en garde à vue est présumée innocente avant qu'on prouve sa culpabilité, hein, je vous le rappelle, et ça on n'entend pas assez non plus, parce que dès que quelqu'un est arrêté maintenant en ce moment, il est tout de suite coupable, alors que la plupart des prévenus ont des casiers vierges. Je vous rappelle qu'aussi pour l'action qui s'est menée contre le restaurant Bagelstein, ouais, nous avons eu effectivement deux personnes qui malheureusement sont passées en comparution immédiate et ont écopé... Cinq, quatre. Mais du coup, j'ai des informations surtout pour deux, parce que une personne que j'ai côtoyée connaissait ces deux personnes qui ont écopé d'un mois ferme et de deux mois ferme. Mais j'ai entendu qu'il y en avait un qui a eu trois mois ferme aussi. Oui, j'ai entendu ça aussi, mais comme je n'ai pas les sources exactes, je préfère pas divulguer d'informations que je n'aurais pas exactement. Donc oui, effectivement, j'ai entendu que c'était de un mois ferme à trois mois ferme. Pour des adolescents au casier vierge, on peut dire que c'est un petit peu disproportionné, hein, en rappelant toujours que cet après-midi s'est tenue une conférence sur le fait que l'état d'urgence passe dans le code pénal. Voilà. Voilà où on en est. Donc dorénavant, le mouvement n'est plus que contre la loi travail et le 49.3, il est aussi contre l'état d'urgence inscrit dans le code pénal. Depuis assez longtemps. Oui, depuis longtemps, mais je crois qu'on ne le dit pas assez. Mais on ne le dit pas assez, et c'est quelque chose qui est peut-être très propre à certaines fonctions de lutte aussi, qui sont pas toujours étendues dans toutes les villes. C'est vrai qu'ici, je suis pas mal en contact avec des personnes qui sont aussi contre le capitalisme de manière générale. Hein. Je pense qu'on en a assez parlé à l'antenne pour entendre ça aussi. Mais j'ai lu aussi dans certains articles, parce que oui, comme je vous l'ai dit déjà plus tard, enfin plutôt, plus exactement, ça commence à... La fatigue commence. Je lis beaucoup d'articles de tous les médias confondus, que ce soit indépendants ou non. J'essaye de vraiment me renseigner à droite à gauche. Et Libération commençait à nous dire qu'effectivement, il y avait peut-être plus que la loi travail derrière la colère du peuple. Mais il y a un petit peu... Enfin, après, je vais m'avancer. Hein, plus près, ok. Mange ton micro. Oui, j'aime bien. Oui, je vais peut-être m'avancer un petit peu trop en disant ça, mais je pense qu'une bonne partie des personnes abstentionnistes sont derrière nous. En fait, c'est juste un ras-le-bol du système économique et du paysage politique français. Enfin, et même mondial au niveau du système économique. Je sais que beaucoup de mes contacts, que ce soit n'importe qui, sont tous découragés par la politique. Il n'y en a pas un seul qui me dit qu'il croit en un homme politique actuel. En même temps, qui est encore de l'espoir en politique en France? Bah, c'est ça le problème. C'est tout un système, en fait, qui désespère quasiment toute la population. Et je trouve ça triste, quoi. Et qu'on laisse faire et que... Et R2D2 avait quelque chose à nous dire. Oui, alors sur le chat, Gerger nous demande, il pense que c'est une question qui a déjà été posée, mais il nous demande comment ça se fait que des copains militants acceptent encore la comparution immédiate. Par manque d'informations peut-être, mais aussi par conseil de certains avocats. Et certains militants sont assez jeunes et la pression, le stress, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. La panique, ça fait complètement oublier de réfléchir et du coup on comprend même pas ce qu'on nous dit et on dit oui à tout. Ça arrive souvent. Oui, et là on me dit que pour les 4 qui ont pris de la prison ferme, c'est leur avocate toute pourrite qui leur a conseillé la comparution immédiate. Donc voilà. Okay, bon, après, faut comprendre que effectivement pour des gens en panique, savoir que ça va être réglé dès le lendemain, c'est une forme de soulagement aussi, de savoir que ça va s'arrêter très vite et que ça ne va pas les stresser pendant des mois ou donc c'est compréhensible, mais le problème c'est que c'est souvent pas la bonne chose à faire, visiblement. On en a encore la démonstration aujourd'hui. D'ailleurs, à la conférence tout à l'heure, je ne sais plus comment s'appelle le magistrat ou juge qui faisait cette conférence. On va retrouver le nom. Il nous conseillait d'avoir un pôle, une commission d'avocats. Oui, ce qu'on avait effectivement mais qui est beaucoup plus basé à Nantes en fait et très très peu à Rennes. Donc on fait un appel à tous les avocats qui peuvent nous écouter. Et qui sont des camarades. Oui, surtout. Si vous avez des amis avocats, juristes, n'hésitez pas à vous impliquer. Et si vous voulez vraiment nous contacter, je vous rappelle le mail de Radio Croco, c'est-à-dire radiocroco@protonmail.ch. Je répète, radiocroco@protonmail.ch. PRONMAIL. .ch au cas où. Et puis vous avez toujours Twitter avec le hashtag Radio Croco. Hein. Voilà. On check assez régulièrement. Hein. On essaye en tout cas. Donc oui, le nom du magistrat de la magnifique conférence qui a été faite est Alain Bressy, qui visiblement fait un peu la même conférence partout en France. Il fait le tour de la France. Pour avertir un peu tout le monde et ça, je trouve ça vraiment bien. On le rappelle pas assez. Donc on vous rappelle aussi que cette conférence, normalement, on aura des enregistrements qui pourront être diffusés à la radio et prochainement sur un site qui est en train de se monter doucement mais sûrement. Avicenne était présent. Il va peut-être nous en parler un peu. Oui, qu'il prenne un peu. Parce que bon, on vous prend l'antenne entre nana, mais vous devez être en manque de voix d'homme. Le voix suave et grave. Je tends ce micro, cette forme phallique devant la bouche d'un homme. J'aime bien. Oh oui. Tandis que vous pourrez continuer à vous faire du bien avec l'antenne quand même, hein. C'est pas parce que je suis là. Donc je vous laisserai prendre l'antenne bien volontiers, mais là je m'en occupe un peu de la gentille antenne de Radio Croco. et de ces jolis micros, ça fait plus de bien que les tonfas, surtout dans le sens où les utilisent les gendarmes mobiles en général. Et là, j'essayais de recouper une information qui est issue de l'AG dans un premier temps. Je reviendrai sur la conférence juste après. Mais donc, il y a actuellement un manifestant, enfin, un journaliste indépendant qui est très grièvement blessé à l'hôpital depuis la manifestation de jeudi et dont la préfecture dit que son état n'est toujours pas stabilisé puisqu'ils ne peuvent pas l'entendre. Suivant d'autres informations, son état serait d'une extrême gravité. Il a été blessé à la tête par une grenade de désencerclement dans les heures qui ont suivi la manifestation de jeudi. Et si vous avez des informations plus précises sur ce fait, je veux bien que vous en fassiez part sur le chat. On va essayer de fournir des précisions et quelque chose d'un petit peu précis. Mais pour l'instant, il semble bien qu'il y ait une tentative d'étouffement de la gravité de la situation de ce jeune journaliste indépendant qui s'est pris une grenade de désencerclement dans peu ou prou dans la tête, alors qu'il couvrait un rassemblement qui essayait de faire libérer un lycéen qui venait d'être arrêté par les flics. Donc il y avait une centaine de personnes qui a pris à partie les flics qui avaient arrêté le jeune lycéen. Ils se sont réfugiés dans un immeuble. Et les renforts qui sont arrivés, alors que les manifestants n'étaient pas agressifs envers les policiers, n'avaient utilisé aucun projectile, d'après les journalistes présents, contrairement au dire de la préfecture. Même le journaliste du Monde n'a constaté aucune dégradation de mobilier urbain. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux de cette agression policière. Ils ont balancé des grenades de désencerclement, qui ne sont à utiliser qu'en cas de péril extrême et en cas, comme par définition, d'encerclement des poulets en question. Là, ils étaient nullement encerclés, ils n'étaient pas dans un péril extrême, il n'y avait même pas d'agressivité de la part des manifestants. Ils ont balancé des grenades de désencerclement, y compris dans la tronche d'un jeune journaliste indépendant qui est depuis jeudi à l'hosto et dans un état toujours suffisamment non stabilisé, comme le dit élégamment la préfecture, pour qu'il ne puisse être interrogé. Ni visible par personne, a priori. Alors, il y a des rumeurs qui disent qu'il serait dans le coma artificiel. Sur l'article du Monde, ils disent qu'il est en sédation profonde. C'est peut-être un euphémisme pour dire coma artificiel. Mais en tout cas, suffisamment incommodé pour pas passer à la radio. Pour pas passer à la radio, pour pas être interrogé. Comme vous avez entendu, Avicenne est parmi nous, il va vous faire tout à l'heure un compte-rendu de la journée d'aujourd'hui. Et si vous voulez bien, maintenant on peut passer un peu de musique, vu que ça fait un petit bout de temps qu'on parle, pour se reposer un peu. Et ceux qui seraient pas trop loin du centre de Rennes, il y a oui. Toujours les DJ à la Maison du Peuple, ça va bientôt fermer, donc dépêchez-vous pour faire un petit tour.